chacun pour soi. Bon Dieu pour tout le monde. Pour ça donc tu comprends, assise devant le bazar, le matin jusqu'au soir, tu fais ton cancan. T'as besoin chaque bruit le tout, tu cours au barreau. T'as besoin monte ton museau et ajoute ton mot. Arrête un coup, appelle les autres, tu regardes pas toi et ma vie. Arrête un coup, tu fais en ton famille. Arrête un coup, appelle les autres, tu regardes pas toi et ma vie. Bienvenue à tous, bon réveil, la réunion, bon réveil Isa. Eh, hey, bon réveil Mickaël, la petite voix hey, du matin. C'est dur, hein, c'est dur ce matin, là là. C'est très très dur. Vous avez les yeux qui piquent. Oui. Nous oui, aussi, nous, c'est voilà, normal. C'est vendredi, mais c'est avant oui, le week-end. C'est vendredi. Ne vous inquiétez pas, tout est logique. Et voilà. On va tenter de vous réveiller jusqu'à 8h, parce exactement, qu'il faut quand même tenir une journée. Bah hein. Oui, on bon, y va là. Stéphane, c'est ça parti, va vous Stéphane, ça va bien, ça va. Bon, pas trop bon, non plus apparemment quand même. Eh ben, si est l'heure de prendre le bus, là on est parti, les 5h. Le journal de la rédaction, Stéphane et Nilorak, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Pneus crevés, mais pas de vol signalé. Une dizaine de véhicules vandalisés hier à Salazie, tout près de sentiers de randonnée. Parmi les victimes, des policiers, dont l'un, que vous entendrez dès le début de ce journal, a son idée sur l'auteur des faits. Payer plus de 70% de ce qu'il gagne en cotisation au régime social des indépendants, un chef d'entreprise accompagné de plusieurs collègues était hier devant le RSI pour dénoncer cette situation. Un air de campagne des régionales avec hier Didier Robert, le président de la région, qui lançait son premier pilier, le pilier pour l'éducation au lycée de Plateau-Caillou. Et Huguette Bello, vous l'entendrez en fin de journal, qui était du côté de la pépinière au port. C'est de la publicité dont le tourisme pays se passerait bien, avec donc cette mauvaise surprise hier pour des randonneurs de retour de Mafate. Le groupe, composé notamment de plusieurs policiers, a retrouvé les pneus d'une dizaine de véhicules crevés, des véhicules garés à proximité du col des Bœufs sur des emplacements non surveillés. Ce qui est inquiétant, c'est que cela ne semble pas être un acte isolé. Et depuis plusieurs mois, en effet, plusieurs actes de vandalisme sont signalés sur des parkings gratuits au départ de sentiers de randonnée. Bernard, l'un des policiers randonneurs, a d'ailleurs sa petite idée sur l'identité de l'auteur présumé des faits. Il l'a dit au téléphone de Karl Sivat. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a environ un mois, à Bellouve, c'était pareil, une vingtaine de voitures ont eu tous les pneus crevés. Nous, on a deux pneus de percé. C'est fait exprès, parce que si on échange un avec la route secours, mais avec le deuxième, on ne peut pas. Alors que là, c'est pas possible. Bon, on soupçonne fortement qui c'est, mais bon, on peut pas le dire parce qu'on n'est pas sûr, quoi. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être des indications pour vos collègues ou pour la gendarmerie, alors ? Ben, éventuellement, oui, mais après, encore faut-il le prouver, et ça, c'est pas évident. C'est un endroit isolé, et y a un parking payant qui n'est pas loin. Et puis, bon, ben, nous, on se gare en dehors. Apparemment, d'après Léon Di, ça se produit régulièrement. Des propos recueillis par Karl Sivat. Autre expression d'un ras-le-bol, et là aussi ça commence à devenir une habitude. Quelques chefs d'entreprise indépendants se sont encore retrouvés hier au siège du RSI, leur régime de sécurité sociale et de retraite. Ils étaient une dizaine, effarés par les montants qui leur sont réclamés, souvent dizaines de milliers d'euros. Et parfois il s'agit d'un cumul après plusieurs années passées sans règlement. Mais même observées annuellement, les cotisations réclamées à ces petits chefs d'entreprise leur paraissent démesurées. Désireux Haraud est l'un de ceux qui étaient au siège du RSI au Moufia hier et qui menaçaient de camper sur place. Je suis venu faire un calcul. Ben, à ce jour, avec des estimations, on me demande 89 000 euros. C'est-à-dire plus de 70% de ce que je gagne. Donc, comment dire, moi, je ne peux pas payer 70% en termes de sécurité sociale. Et puis, ces indemnités, j'en ai qui est un montant de 49 euros. On se demande à quoi ça sert de cotiser le RSI. Et quand j'arrive à poser des questions, quelle sera ma retraite un jour, on me dit ben, entre 150 et 180 euros par mois, entre rien et rien. Voilà. Donc je préfère ben, ne rien payer. Et si j'avais la possibilité de payer cette somme-là aussi, notamment, ben, je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Pas de crainte d'être poursuivi? Ben, je suis déjà poursuivi. Ben, j'attends pour dire qu'on peut le faire. Désiré Haraud, chef d'entreprise opposé au RSI, répondait à Bruce Régent. Et comme d'autres, il assure qu'il est prêt à se mobiliser plus durement pour faire cesser cette oppression. Le sujet s'annonce en tout cas comme un thème important des prochaines échéances électorales dans les chambres consulaires. Nous vous présentons d'ailleurs dès ce matin, dans nos différentes éditions, les candidats à la présidence de la Chambre de commerce. Honneur au président sortant Ibrahim Dindar dans un peu moins d'une demi-heure. Place à Michel à la mêle à 6h et enfin Bruno Cohen à 6h30. Lui a été réélu à la présidence de la région en décembre dernier. Didier Robert a lancé hier matin l'un des 7 piliers du projet de sa nouvelle mandature. Le pilier numéro 1 intitulé « Un passeport réussite pour chaque jeune réunionnais ». Objectif, renforcer les dispositifs de formation, de soutien et d'orientation existants. Il s'agit aussi de réhabiliter certaines infrastructures. Une quinzaine de lycées sont concernés en cette rentrée. Le président de région rendait visite hier à celui de la Renaissance à Plateau-Caillou dans les Saint-Paul. Les travaux ont démarré au cours des vacances du mois de mars dernier. Deux gros chantiers dans un premier temps, la rénovation des deux ailes de l'internat et la construction d'un espace réservé et élargi pour les ateliers de boulangerie et pâtisserie. Une réhabilitation très attendue par le proviseur Philippe Baptiste. On dit de certaines prisons qu'elles sont la honte de la République. Notre ancien internat était la honte de l'éducation nationale. Par exemple, chez les garçons, 3 ou 4 par chambre, quasiment sans bureau, sans électricité, des douches pas très engageantes. Bon, mais ça c'est du passé. Hein, et je me projette sur l'avenir et sur la mi-décembre, voire la fin janvier, qui verra donc dans un premier temps un transfert d'un certain nombre d'internes dans de belles et fonctionnelles chambres. Et par ces travaux, la région redonnera de la dignité à notre institution et à nos élèves internes. Philippe Baptiste, proviseur du lycée hôtelier de Plateau-Caillou. Et encore 3 à 4 ans de travaux pour réaliser le tout, car en plus de l'internat et des ateliers boulangerie-pâtisserie, les restaurants et hôtels d'application ainsi que les parties communes seront aussi rénovés. Et c'est une structure qui existe depuis de nombreuses années au port, mais depuis le mois de juillet, elle connaît un nouvel élan avec la signature d'un partenariat avec le parc national. La pépinière municipale du port s'est effectivement engagée dans la sauvegarde et la replantation des espèces endémiques de l'île. Une pépinière visitée officiellement hier par Huguette Bello, fille de planteur, la députée se dit très préoccupée par l'environnement. Elle avait par exemple tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années à l'Assemblée avec la crise de la mouche bleue qui avait touché les apiculteurs. Huguette Bello qui salue donc avec force l'exemple portois. On sait aussi qu'à La Réunion, il y a une partie de la forêt qui, depuis très longtemps, elle a été diminuée, dévastée. Et donc, il est certain qu'il faille replanter. Et sur ce plan-là, le port est exemplaire. Ce que l'on a pu faire sur une toute petite commune que l'on a verdie, si chaque commune aussi faisait un travail équivalent à celui du port, je pense que La Réunion serait encore beaucoup plus verte. Parce que c'était la ville la plus sèche, c'était la plaine des galets, et on a réussi. Et il y a encore beaucoup à faire, notamment pour nos amis les abeilles. parce que sans les abeilles, il n'y a plus de vie. Et donc pour qu'eux, on privilégie aussi des espèces qui soient des espèces mellifères. La députée Huguette Bellot. Après la flore, la faune, le 26 août aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. L'occasion d'aller le promener au parc, à la plage et même en montagne. L'association Canisport propose des canis-randonnées une fois par mois. Et les adhérents peuvent alors faire des randonnées avec leurs chiens. Mais attention à la chaleur et au surmenage, il faut veiller à la santé de l'animal. Alexandre Dallot est directeur de l'association Canisport. Pour lui, ses sorties de groupe en pleine nature profitent aux chiens et aux maîtres. En randonnée, on est dans un milieu naturel, il n'y a pas toutes les perturbations urbaines, il n'y a pas les voitures, donc c'est, on va dire que c'est plus sécurisant pour la pratique en elle-même. Après voilà, c'est le côté nature, le côté air frais qu'on va rechercher aussi. Quoi. Ça renforce les liens entre le maître et son chien, parce qu'il y a une certaine complicité qui se crée dans les sentiers, parce qu'ils sont tous les deux dans l'effort finalement. Le chien voit que le maître prend soin de lui, il l'emmène promener, il l'emmène voir d'autres camarades. Donc le chien attache beaucoup d'importance au maître, qui est un bon guide pour lui quoi, finalement. Alexandre Dallot au micro de Raphaël Kahn. Et outre les randonnées, l'association organise un canicross au parc du Colosse le 2 octobre. Pour s'inscrire, le certificat médical du chien est obligatoire. Place désormais à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info, Martin Bartoletti. Décision très attendue ce vendredi du Conseil d'État au sujet du Burkini. Trois juges ont examiné la requête déposée par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie ce jeudi. Il dénonce dans l'interdiction du Burkini une atteinte à la liberté de conscience et de religion. La plus haute juridiction administrative du pays s'est penchée sur la légalité de l'arrêté interdisant ce maillot de bain sur la commune de Villeneuve-Loubet. Un avis qui fera sans doute jurisprudence. Une trentaine d'autres villes sont concernées par cette mesure. 11 heures de réunion pour rien. Les négociations à Paris entre les éleveurs et le groupe Lactalis ont échoué. Les producteurs de lait ont claqué la porte après avoir refusé la proposition du médiateur dans cette affaire. Des producteurs mécontents du tarif trouvé, 28 centimes d'euros pour un litre de lait sur les 5 derniers mois de l'année. Du coup, statu quo, le blocus du siège de Lactalis à Laval se poursuit. Cette nuit, 200 tracteurs étaient rassemblés et la relève est assurée jusqu'à lundi, ont déclaré les manifestants. Très grosse frayeur ce jeudi sur la commune côtière de Saint-Martin au Buneau, en Seine-Maritime. Un éboulement de falaise s'est produit en début d'après-midi, heureusement sans faire de victimes. 45 pompiers et une équipe de cynophiles ont été mobilisés pour vérifier que personne ne se promenait ou se baignait au moment de la chute de la roche. Il a voulu faire projeter le film Merci Patron, il a été licencié. L'affaire avait fait beaucoup de bruit en mars dernier. Un ingénieur sous-traitant de Renault mis à la porte par son entreprise après un mail où il demande l'organisation de la projection de l'œuvre de François Ruffin. Il a demandé réparation. Le Conseil des Prud'hommes de Versailles rend sa décision ce vendredi. Le gouvernement italien a promis ce jeudi la mise en place d'un plan de prévention des séismes dans la péninsule. Deux jours après le tremblement de terre qui a secoué le centre de la Botte, le bilan a atteint 250 victimes et plus de 360 blessés. Les dégâts considérables et les petites répliques ne facilitent pas le travail des secours. La protection civile a annoncé avoir sauvé 215 personnes, mais les chances de retrouver des survivants se réduisent. Les forces armées irakiennes continuent leur percée en zone détenue par l'État islamique. Ils ne sont plus qu'à 60 km de Mossoul, grand bastion de Daesh dans le pays. Ce jeudi, l'armée a réussi à reprendre la ville de Kera au nord. Ça passe pour les footballeurs stéphanois en Ligue Europa. Les Verts se sont qualifiés ce jeudi soir grâce à un match nul 0-0 face au Beitar Jérusalem. Et puis l'on connaît les adversaires des clubs français en Ligue des Champions. Tirage favorable pour le PSG. Les champions de France seront opposés aux Anglais d'Arsenal, au FC Bâle et aux Bulgares de Ludogorets. Lyon ne sera pas vraiment favori face à la Juventus de Turin et au FC Séville. De son côté, Monaco devra se débarrasser du CSKA Moscou, de Tottenham ou encore des Allemands du Bayer Leverkusen. Le premier taxi sans chauffeur a roulé ce jeudi. Le test a été effectué dans les rues de Singapour. L'entreprise qui le commercialise a invité des personnes du quartier d'affaires à profiter d'une course gratuite. Un ingénieur était encore au volant, au cas où. Mais en 2018, année de lancement du service, il n'y aura vraiment que le client dans la voiture. 5h12 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Oh là là là là, le café est un peu sombre hein, au réveil. Un peu comme le ciel ce matin. Dans l'est notamment, le ciel est pas très lumineux. Les averses de la nuit s'attarde encore en début de matinée. Le sud aussi est concerné. Dans l'ouest, on profite malgré tout de belles éclaircies. Alors cet après-midi, c'est vrai que le sud va retrouver le soleil. Par contre, le gris est d'actualité ailleurs, avec des averses par place, notamment sur les plaines de l'est et du nord. Ciel mitigé au volcan, mais a priori sans pluie. Alors le vent est toujours assez faible, hein, des rafales entre 30 et 40 km/h sur Saint-Pierre cet après-midi. Puis la mer commence à grossir dans l'ouest et le sud au déferlement de la houle qui va arriver, on l'a dit, pour le week-end, avec des vagues qui atteindront déjà en moyenne 2 mètres environ dans la nuit, jusqu'à 2,50 m sur le sud sauvage. Ces vagues devraient augmenter avec dimanche notamment un pic de houle avec 4 mètres de moyenne et 8 mètres pour les plus hautes. Température stationnaire aujourd'hui, avec donc plus de nuages que de soleil dans le ciel réunionnais. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et là, ce qu'il vous faut là aujourd'hui, c'est un petit déjeuner très vitaminé. Ah oui. Multivitaminé. Oui. Parce qu'on que a c'est vraiment la fin de semaine, besoin. C'est vendredi, c'est un petit peu difficile. Certainement, certains vont affronter les embouteillages ce matin pour aller travailler, déposer les marmailles à l'école. On est avec vous. Oui. Enfin, il ne faut pas y penser tout de suite parce que sinon, on ne sait pas. Tu te recouches. Hein. C'est ça. Bon, il y en a certains pour qui le vendredi, c'est super. Ah bah oui. Parce qu'ils pensent déjà au week-end, du coup, ils sont motivés. Un ça peu donne comme, la pêche, un peu comme Prisca qui est vraiment. Elle, à fond les Coucou manettes. Coucou Prisca. Salut Prisca. À fond les ballons. Bonjour La Réunion, comment il est? Alors nous, on est dans le sud aujourd'hui, ouais. Du côté de Saint-Joseph. C'est le seul marché couvert éphémère, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et puis vous parlez de week-end, moi j'ai une idée de week-end pour vous. Pourquoi pas aller vous balader du côté de Manapany? Vous savez, c'est sympa. Ah oui, petit coin charmant. Cette belle crique, ouais, Manapany-les-Bains. Puis attention, vous allez peut-être croiser des lézards verts, mais ça n'a rien à voir avec Shrek ni Hulk. Hein. Ce sont, vous savez, ces petits fameux geckos que vous pouvez... Ouais, les geckos, ces petits lézards endémiques de La Réunion, vous pouvez les prendre en photo. Donc rendez-vous tout à l'heure avec le café du côté de Saint-Joseph, les amis. On fait comme pour, ça. Pour la météo, bah, y a des étoiles ici, on voit la lune, donc tout va bien. Il n'y a pas eu de pluie hier soir. Pas eu de pluie hier soir. Bon, bah, ça c'est déjà une bonne nouvelle. À tout à l'heure, Prisca. Donc, contrairement à ce qu'avait annoncé Météo France. Bah oui, comme quoi tu vois. Donc ça, ouais, ça varie un peu. Ouais. Merci Prisca. Alors Prisca, elle avait une bonne idée d'idée pour le week-end, Manapany. Sinon, on pouvait aussi aller à l'hôtel dans le sud. Bien sûr, parce que ce matin, si vous avez la banane, pourquoi pas, vous la mettez dans votre photo de petit déjeuner. Exactement, c'est le dernier jour, dernier matin pour participer à ce jeu, d'accord, un défi Facebook, petit déjeuner, une photo sur notre page Grand Matin sur Facebook, à la clé aujourd'hui des invitations pour aller au cinéma, mais surtout le tirage au sort avant 8h pour repartir à l'hôtel. Et le principe, c'est pas de poster les photos après 8h quand on est parti comme l'a fait Dari hier, comme l'a fait aussi ils prennent leur petit déjeuner un peu plus tard. En plus, c'est beau petit déjeuner, hein. Jus de fruits d'ananas, carambole, yaourt nature et confiture fraises et Smarties, s'il vous plaît. Aïe. Pommes, carambole et mandarine la cour, hein, beaucoup de carambole dans le petit déjeuner de Jaël. Bref, tout ça, eh bien, c'est le moment de le poster, mais pas à 9h47 comme l'a fait Jaël. Voilà, d'ailleurs, on va vous poster tout de suite notre photo de petit déjeuner nous. Vous allez voir, ça craint du boudin. Ça craint du boudin. Ça craint du boudin, quoi. C'est vieilles expressions des années 80, ça. Oh là là, t'arrêtes, oui. C'est comme à fond les ballons, bah tout à l'heure avec Prisca. À donf, alors. À donf. C'est mieux. À donf, aussi dépassé, démodé. Au taquet. À fond, ça suffit. À hein. Fond. Bon, ça à suffit. Fond. Au moins, c'est un truc qui est éternel, ça. Bon, on va sur l'horoscope de Juliette. Allez. Dans un instant. Restez là. Réunion première, le son de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Allez, vas-y, Mickaël, je sais que ça te fait plaisir. Bah oui, j'aime bien. Allez, en même temps, on est poli aussi. Allez, c'est vendredi, fais-toi plaisir. Bonjour, Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour, bon vendredi. Bah oui, cette semaine tire à sa fin, on a tous hâte d'être en week-end, vous comme moi, je suppose. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août et c'est la Sainte Natacha. Beau prénom, bonne fête. Voici tout de suite les prévisions astrales de la première. Bélier, cela vous ferait le plus grand bien de lever le pied et de prendre le temps de souffler un peu. Taureau, un grand tournant s'annonce, alors soyez attentifs. Gémeaux, la plupart du temps, vous aurez tendance à ne rien faire ou à attendre que l'on fasse le premier pas. Cancer, vous avez toujours des solutions ingénieuses à proposer. Lion, essayez d'arrondir les angles. Vierge, ne vous étonnez pas si vous croulez sous les propositions. Vous êtes très agréable à vivre en ce moment. Balance, vous avez un besoin vital d'être entouré et de profiter des gens que vous aimez. Scorpion, l'épuisement se fait sentir. Sagittaire, lâchez prise pour enfin retrouver votre paix intérieure. Capricorne, vous devriez veiller à ne pas vous montrer trop possessif avec vos proches, surtout si vous avez des adolescents. Verseau, cette journée stimule vos petites cellules grises et votre sens de la répartie. Poisson enfin, belle entente avec les béliers, côté privé. Excellente journée à tous et à toutes. Merci Juliette, bonne journée et bon week-end à toi. On a quoi là pour la suite? Et puis on a forcément le tiercé quarté quinté plus, les pronostics, notamment de du Fouineur. Mais avant, on va retourner à Clairefontaine hier avec l'arrivée. Exactement, hier pour gagner, il fallait jouer le 3, le 12, le 8, le 2 et le 16. 3, 12, 8, 2, 16, numéro plus gagnant, le 18, 20. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, votre quinté va donc se courir en... nocturne, oui Mickaël. Départ prévu à 19h47, ce sera le prix de l'Académie Internationale du Cheval du Haras du Pin. Il y aura 4 200 000 euros dans la tirelire, 16 partants, 2850 mètres à parcourir. Les pronostics du Fouineur, du Gire, partenaire Réunion Première, il vous conseille le 7, le 8, le 15, le 6, le 12, le 3, le 14 et le 4, 7, 8, 5, 15... 6, 12, 3, 14 et le 4 pour votre quintet à Cabourg ce soir, prix de l'Académie Internationale du Cheval du Haras du Pin. Départ prévu à 19h47. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons responsable et aujourd'hui on ne parlera pas du cheval, non, on parlera du chien, c'est sa journée mondiale. Exactement. Alors on va lui faire honneur au chien, notre animal de compagnie, oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas des fois. C'est vrai si, on aime beaucoup, c'est... dans le top 3 des animaux préférés des Français. Oh. Oui. Bon, mais je disais qu'on n'aime pas, ça peut arriver aussi, malheureusement. Ouais. Bon, en tout cas, on va l'aimer ce matin, nous. Mmh. Et puis, on vous attend au 06 92 70 2000. Alors, quel temps fait-il chez vous? Bah, dites-le nous, parce qu'apparemment, il fait plutôt beau dans le sud. Hein. Exact. Créole Code sur Première. M'irai tout le temps dans ce contre-temps, serré contour, moi serai content. Dans son caresse, endorlement, romance, tendresse, m'irait doucement. Doucement, doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement, doucement. Qu'il soit grand matin sous la varonne, qu'il soit un soir sous pied bavant. Mon cœur bavant, matin et soir, dans le fait clair, son sa dent fait noir. Oui, tout le temps, tout le temps. dans les bohèmes. Oh, oh, dans les bohèmes. Oh, dans les bohèmes. Dans les bohèmes. Bon réveil La Réunion avec Créole aux Causes, doucement, sans ou, tout le temps, sur Première, dans Grand Matin, jusqu'à 8h, et jusqu'à 8h on va fêter votre chien aujourd'hui, bien sûr, forcément, chien masculin, chien féminin, puisque vous avez aussi, forcément, des femelles à la maison. Bah oui. Mais enfin, comment leur faire plaisir à ces chiens mâles ou femelles? D'abord, il faut savoir que, potentiellement, un ménage sur deux, une famille sur... Nana est un animal de compagnie. On a des animaux, la case ? J'en le chien, mets le chat. Chez les parents, ma famille, forcément. D'accord, le chien ? Chez moi, ça serait un peu plus difficile. Dans un appartement, ça vit pas très bien, un chien, faut le dire. Ça peut vivre, mais c'est quand même moins bien pour un chien. Surtout un gros chien, parce que moi, j'aime bien les gros chiens. Combien de parents, ils ont de chiens ? Labrador. Oh, oui. Deux chiens chez, dans la famille. Et puis, plusieurs chats aussi. C'est vrai ? Oui. Bah, voilà, ce soir, on va forcément honorer le chien quand on rentrera à la maison. Alors, puisque le là, chat, c'est le chien qui va être fêté aujourd'hui. Et le troisième animal préféré des Français, c'est le poisson. Le poisson, figurez-vous. 34 millions de poissons. Le poisson, ça ne fait pas de bruit. Voilà, ça de compagnie. Poisson de compagnie. Ouais, à peu près 8 millions de chiens, environ 12 millions de chats. Donc, il y a plus de chats que de chiens dans les familles. Mais enfin, d'une manière générale, eh bien, l'animal, le chien, on l'aime beaucoup aujourd'hui, c'est sa journée. La moitié des Français déclarent quand même passer 15 à 30 minutes par jour à jouer avec son chien. Quand même pas mal, écoute. Ouais. Hein. Voilà. Ils ont du temps. Chez les plus jeunes, voilà, c'est un peu plus longtemps. Et le temps de jeu peut atteindre jusqu'à 2 heures par jour, entre 18 et 24 et ans. Et justement, alors comment leur faire plaisir? C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Ouais. Et Isa, une question que tu me demandes, mais une question que les sociétés se posent aussi. Okay. C'est les gens aiment leur animal, ils aiment leur chien, ils dépenseraient bien de l'argent, dis donc, pour leur animal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on invente tout et n'importe quoi, Mickaël. Par exemple, si je te dis smartphone, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Ah bah, des applications. Oui. Tu passes 2-3 coups de fil, 2-3 SMS. Voilà. Mais surtout, tu prends des photos. Exactement. Et prends des selfies, notamment. Oui, des selfies, tout à fait. Et parfois, on s'est dit, les sociétés qui ont envie de gagner de l'argent, ils se sont dit, le chien aussi prendrait bien 2-3 photos, non? Donc le chien va prendre ses selfies, ses propres selfies. Là, ils ont créé un petit appareil. C'est possible. C'est un gros bouton poussoir, tu vois, que tu poses par terre, relié avec une sorte de webcam, enfin un machin comme ça. Tu poses ça par terre, tu laisses ton chien jouer, et puis il passe à côté, il vient regarder, et puis il appuie à un moment donné. Mais alors, il faut que le chien coopère aussi, il faut qu'il appuie avec sa patte sur le truc. Et quand sinon, il appuie sur le bouton, il ne fera jamais de selfie, le pauvre chien. Ça prend une photo. Ok. Qui finit où? Direct sur ton smartphone. Top. Et est-ce que le chien la voit après? Parce que c'est ça le truc. Des études montrent qu'en fait, il s'en fiche, le chien, d'avoir pris une photo. Ça sert à rien pour lui, ça lui fait pas plaisir, c'est plaisir à son maître. Ça coûte quand même 80 euros, ce bouton poussoir avec Et ça marche du feu de Dieu. Bon, c'est bien pour les marmailles, je pense. Ça peut être sympa. Pourquoi? Pour les marmailles, ça peut être sympa de voir leur chien prendre une photo et puis ensuite d'avoir des photos de leur chien comme ça en selfie. Alors on s'est dit, ça a l'air bizarre, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça cartonne. Mais je vous ai dit, comment faire plaisir à son chien? Pas sinon, à son tu peux maître. Le nourrir alors. Pareil. Eh ben, nourris ton chien. Bah oui, je le nourris déjà, heureusement. Bon, à Seattle, aux États-Unis, il y a un propriétaire de food truck, tu sais, les roulottes où ils vendent manger dedans, là. Et il se rend compte quoi? Il se rend compte que les gens qui viennent acheter à manger pour eux, qui viennent avec leur animal, ils en jettent un peu. En fait, ils partagent la moitié presque de leur barquette, tu vois, avec leur animal de compagnie, le chien. Alors il s'est dit, mais ça peut être un bon filon. Tout le monde le fait pas, ça, par contre. Hein, je sais. Bon, mais enfin, ça coûte cher quand même. Lui s'est rendu compte, le propriétaire de ce food truck, les gens faisaient ça. Alors du coup, il a décidé d'ouvrir une seconde partie de son food truck avec de la nourriture seulement pour le chien. C'est-à-dire que tu viens dans son food truck, tu achètes ton petit barquette manger, et après tu passes un petit peu à côté, et là tu as de la nourriture pour ton chien. Donc tu lui fais sa petite barquette. Et c'est moins cher quand même. Hein, donc c'est pas moins cher. Ça marche aussi du feu de Dieu. Okay. Par contre, il y a quand même un truc qui est vachement bien, c'est que la moitié de l'argent qui est ramassé donc avec le food truck pour les animaux, ça part à un organisme. Ah, ça c'est bien. C'est une qui bonne prend action. Soin des chiens âgés. Alors si vous aimez les animaux, n'oubliez pas que la SPA a toujours besoin de vous, que ce soit celui du Grand Prado de Sainte-Marie ou encore celui de Bérive au Tampon. Vous pouvez adopter des animaux, devenir famille d'accueil. Quand les refuges sont saturés, vous pouvez devenir bénévole, promener les animaux, les laver, les chats, tout ça, vous occuper d'eux. Donc n'oubliez pas, la SPA a besoin aussi de vous. Oui, et puis nous, on mange gastronomique, alors pourquoi pas les chiens, hein? Oh, on est oui. D'accord. Bon, vos messages sur 0692. Oui, Milo. Bonne journée Milo. 70 2000 pour tous vos messages. On salue Fabrice qui est déjà connecté dans Grand Matin. Voici Youssou N'Dour. Youssou N'Dour et Néné Chéri. C'était en 1994, dis donc. Hier. Oui, c'est mais ça. Alors oui, un vieux hier. Hein. Pratiquement jeudi dernier. Jeudi dernier. Allez, 5h30 sur la première. Merci de vous réveiller avec nous. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Du respect et moins de violence dans le bus. À Saint-Louis, la ville a souhaité confronter les jeunes de collège au personnel des bus pour que les transports se passent bien. Reportage dans ce journal. Le RSI ne passe pas. Le régime social des indépendants continue de cristalliser la colère de ses adhérents. Ils étaient une dizaine hier à se rassembler devant le siège du RSI au Moufia. Nous entendrons le témoignage de Fred, chef d'entreprise. Présentation ce matin des candidats à l'élection à la tête de la CCIR. Trois listes sont en lice. Nous entendrons le président sortant, Ibrahim Patel, candidat pour un nouveau mandat. Et puis, c'est la journée mondiale du chien. Vous l'avez entendu, on s'y intéresse ce matin avec des conseils pour les emmener en randonnée. Ne pas avoir peur de prendre le bus, voilà l'objectif de l'opération menée hier à Saint-Louis. Un exercice grandeur nature était organisé avec des élèves. Ne pas avoir peur pour certains et en finir avec les incivilités pour d'autres. Des médiateurs, des conducteurs de bus alternés au SMITEL, des gendarmes ont rencontré les jeunes à l'invitation de la commune. Le rendez-vous était fixé au collège Égésie Poirot à La Rivière. Cible de cette première opération, des collégiens de 4e. Le reportage à Saint-Louis de Sophie Persson. À l'origine de cette opération de prévention dans les transports, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Louis, Jean-Hugues Filéas, son coordonnateur. On se rend compte aujourd'hui que de nombreux problèmes d'incivilité impliquent un public scolaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par le transport en commun. Il y a un réseau, il y a des bus qui sont dédiés spécialement à un transport quotidien, mais on cible les bus généraux en fait, qui sont empruntés par des élèves aussi. Alors c'est parti, deux classes de 4e montent dans un bus Alternéo, au volant Josie, cette conductrice confirme il y a des incivilités dans les bus. Il y a des jeunes qui entrent dans le bus sans ticket, ils ne disent pas bonjour et ils se bagarrent et ils nous insultent, nous les conducteurs, parce qu'on leur demande leur ticket. On fait notre travail et on est souvent insulter pour ça. Certains élèves disent avoir peur de la violence qui règne parfois dans les bus, mais pour ces deux ados, tout va bien, ou presque. Non, on n'a pas peur et puis c'est bien. Moi, personnellement, j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de bruit et c'est un peu chiant. En fait, bien souvent, les élèves calmes subissent les incivilités des autres. Josie, la conductrice, raconte par exemple que certains jeunes exigent de rentrer avec leur vélo à plusieurs. Or, il n'y a que deux places pour ça dans les autobus. Un reportage de Sophie Persson. Qui vandalise les voitures des randonneurs? Les actes se répètent sur les parkings gratuits au départ des sentiers. Pas de vol, pas de vitres cassées, mais pour certains, les quatre pneus crevés. Quand ça arrive à Belouvre ou au col des Bœufs, on imagine bien qu'il est difficile de repartir. Et combien coûte un tour de dépanneuse? Hier, ce sont des randonneurs à Mafate qui ont eu la mauvaise surprise. Un groupe qui compte plusieurs policiers. Vous entendrez leur témoignage dans notre édition de 6h30. La grogne contre le RSI, le régime social des indépendants, continue de faire grincer les dents. Hier encore, une dizaine de chefs d'entreprise se sont retrouvés au siège du RSI au Moufia. Leur colère porte toujours sur les sommes qui leur sont réclamées et qui leur paraissent démesurées au vu de leur couverture santé et de leur perspective de retraite. Fred est chef d'entreprise depuis 16 ans. Il a décidé d'ignorer ce régime social puisqu'il ne le reconnaît pas comme obligatoire. Moi, le RSI aujourd'hui me réclame 178 000 euros. Depuis 2008, je n'ai pas payé. J'ai pris une décision, je suis allé à une assurance à Londres. 350 euros par mois, ça me fait 4 000 euros l'année. Je suis allé à l'hôpital, j'ai opéré mes yeux, j'ai rien payé. Et aujourd'hui, au niveau de santé, je suis couvert. J'ai passé au tribunal de la sécurité sociale, devant le TAS. Le juge m'a dit qu'il est incompétent de me juger. Le directeur de RSI, je viens de sortir de son bureau. Il reconnaît que c'est le chiffre 178 000 euros. C'est pas logique, c'est mal calculé, c'est n'importe quoi. Normalement, c'était 10 000 à 12 000 par année. Oui, c'était gérable. J'ai toujours payé mon RSI. Depuis que j'ai eu un papier de RSI que je dois payer 68 000 euros, je me suis posé des questions et j'ai arrêté de payer, quoi. Sinon, ça, je mettais la clé sur la porte, liquidation. Fred, un chef d'entreprise opposé au RSI, répondait à Bruce Régent. Et comme d'autres, il assure qu'il est prêt à se mobiliser plus durement pour faire cesser ce qu'il qualifie d'oppression. Un sujet qui sera certainement débattu lors de la campagne électorale dans les chambres consulaires, notamment la CCIR. Car le vote pour ces élections à la Chambre de commerce et d'industrie débuteront le 20 octobre prochain. 34 000 entreprises sont appelées à élire les membres de la CCIR. Ça se fera par correspondance. Trois listes sont en lice. Ibrahim Patel, le président sortant, est prêt à rempiler. Il se dit confiant, même si une bataille électorale n'est jamais gagnée d'avance. Ibrahim Patel. Nous sommes confiants, pourquoi? Parce que par rapport à 2010, aujourd'hui, les gens qui sont en face se retrouvent avec nous, tels que la CAPEB, donc Théophane Narenet, tels que Rico Verbaille, et tels effectivement que la CGPME. Je disais que la CGPME, aujourd'hui, les choses sont en bonne voie. Nous sommes plus ou moins mis d'accord sur un certain nombre de choses. C'est vrai que la composition est différente, le mode électoral est différent, et en plus, nous nous retrouvons autour de nous plus de 95% des associations des commerçants et syndicats de Lille qui travaillent avec nous depuis déjà 7 mandatures. C'est les électeurs qui tranchent. Toute élection, il y a un combat. Les électeurs ont à juger effectivement de 7 mandatures. Nous n'avons pas à rougir de notre mandature parce que partout où ça nous passe, tout le monde le dit clairement que nous avons fait du bon boulot. N'oublions pas que quand nous sommes arrivés à la Chambre de commerce était réservée à une élite. Nous l'avons ouvert aux petites entreprises. Il n'y avait pas de maison d'entreprise dans l'Ouest. Nous l'avons mis à Saint-Paul, à Saint-André. Et en plus, ces maisons d'entreprise offrent les mêmes prestations que d'aller à Saint-Denis ou à Saint-Pierre. Ibrahim Patel était interrogé par Henri Claudelma et Alexandre Appèche. Présentation de la candidature de Michel Alamel dans notre édition de 6h. Dans notre édition de 6h30, vous pourrez entendre Bruno Cohen, lui aussi candidat. 5h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Avis à tous les toutous et à leurs maîtres. C'est aujourd'hui la journée mondiale du chien. Et on s'y intéresse ce matin avec les randonnées que vous pouvez faire avec votre animal. Quelques précautions sont à prendre. Il faut faire attention à ce que le chien ne fatigue pas trop, qu'il ne souffre pas d'un coup de chaud, par exemple. Écoutez les recommandations du vétérinaire Emmeline Pignolet. Il y a certains chiens, des fois, qui ne vont pas sentir qu'ils ont une faiblesse musculaire, un début de crampe. Et il convient que le maître soit très en symbiose avec son animal pour sentir qu'il y a un petit début de faiblesse. Alors typiquement, dans les randos et les canicross officiels, le chien doit toujours être devant le maître et pas derrière. Ça, c'est un signe important. Ensuite, vous pouvez aussi prendre un thermomètre et prendre la température de votre animal. Elle ne doit pas être à plus de 39,5, 39,7 degrés, même pendant un effort physique. Et toujours regarder le temps qu'il met à récupérer de sa respiration haletante. Et puis peut-être demander conseil à votre vétérinaire aussi de l'état de santé de votre chien avant de décider de faire ce genre de sport. Emmeline Pignolet, vétérinaire, répondait à Raphaël Kahn. Si vous aimez faire des sorties avec votre chien, sachez que l'association Canisport propose des cani-randonnées. C'est une fois par mois. L'association organise aussi un cani-cross au parc du Colosse. Ce sera le 2 octobre prochain. Après le chien, meilleur ami de l'homme, les abeilles dont on dit que si elles devaient disparaître, eh bien on disparaîtrait aussi. La ville du port s'engage pour les protéger. C'est d'ailleurs la seule ville ultramarine à avoir adhéré au programme national Abeilles Sentinelles de l'Environnement, lancé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Objectif, sauvegarder l'espèce au niveau mondial et faire connaître son rôle essentiel dans le maintien et le développement de la biodiversité. Le rucher se trouve dans la pépinière du port qui vient de signer un partenariat avec le parc national. Elle accueillera des plantes endémiques. François Payette, président du syndicat apicole de La Réunion. On a choisi ce lieu parce que tout le monde sait que les abeilles et les plantes vivent une histoire d'amour depuis des millions d'années. Et malheureusement, cette histoire d'amour risque de mal se terminer, je le dis, par la folie des hommes, par l'usage des pesticides de manière intensive. On voit des millions d'abeilles meurent chaque jour à travers le monde. Si l'abeille disparaissait, on aurait quand même beaucoup de mal à survivre. Parce que notre alimentation, elle vient en grande partie des plantes. Et des plantes, pour en avoir, il faut des fleurs, il faut des graines. Pour avoir des graines, il faut que les fleurs soient pollinisées. À La Réunion, on a la chance d'être encore un petit peu épargné. Et donc la ville du port s'est engagé depuis 2010 à ne plus utiliser de pesticides, donc zéro pesticide sur la ville du port. Donc c'est quand même un engagement fort, remarquable et un exemple pour les autres collectivités qui commencent à être suivies d'ailleurs. François Payette, président du syndicat apicole de La Réunion, répondait à Stéphane Henny-Laurac. Merci Cécile, à tout à l'heure. 5h39 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Mickaël, quelques nuages par endroit ce matin, mais globalement, encore une belle matinée. Oui, contrairement à ce qu'on vous disait tout à l'heure à 5h, mais on réactualise aussi minute par minute. Et par rapport aux informations qui nous remontent du sud, notamment celle de Prisca, Météo France peut se tromper, la science météorologique n'est pas exacte et les nuages pourraient s'installer par contre cet après-midi sur les plaines de l'Est et du Nord et donner quelques averses par endroit. Le gris sera d'actualité sur une grande moitié nord de l'île. Entre Saint-Paul et Sainte-Suzanne, en passant par Léo et la côte, là on aura beaucoup plus de nuages, alors qu'en allant vers le sud, on retrouvera plus de soleil avec du vent qui va souffler, mais enfin très faiblement, 30-40 km/h tout au plus sur Saint-Pierre et la côte sous le vent. La mer par contre va commencer à grossir dans l'ouest et le sud avec une houle qui va arriver. Les vagues vont atteindre 2,50 m sur le sud sauvage, donc 5 mètres pour les plus hautes, et ça va grossir. Certainement pour dimanche, on attend le pic de houle avec 8 mètres pour les vagues les plus hautes. Donc soyez extrêmement prudents, certainement un avis de forte houle qui sera émis par Météo France. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah là là, Mickaël. Il est 5h40. Oh là là, j'ai regardé la publication de Propère. Oh là là, manioc. C'est du manioc. Un petit déjeuner d'anti-barquette avec un petit sirop. Ça fait saliver. Il nous demande si ça met l'eau à la bouche. Bah oui. Bah oui, presque. Presque, Propère. Propère qui envoie sa petite photo de petit-déj et qui lance le bal sur la page Facebook. Exactement, puisqu'il a envie de repartir avec ses invitations pour aller au cinéma et il a envie de participer au tirage au sort pour repartir peut-être avec une nuit d'hôtel pour deux personnes avec le petit-déjeuner dans le sud. Bah, continuez à le poster, à poster vos photos de petit-déjeuner sur la page Facebook, donc Grand Matin, GRAN apostrophe matin, derrière mon petit-déj manioc avec sirop la cuite. Ouais. C'est Propère là, qui nous envoie ce petit message, mais par contre postez bien sur la page, puis ensuite on ira prendre vos numéros et vous inquiétez pas, avant 8h, l'un ou l'une d'entre vous repartira avec sa nuit d'hôtel. Voici Kosla, avant d'aller au marché justement à Saint-Joseph, avec Prisca. Ça même. Inaccessible sur Première. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Cette campo assise au bail, je lève à vous. Sorti fait tout à nos têtes, mais nous comprenons pas pourquoi. C'est pas à zot, nous les attirer. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Cette campo assise au bail, je lève à vous. Sorti fait tout à nos têtes, mais nous comprenons pas pourquoi. C'est pas à zot, nous les attirer. Ce genre de mise qui en soirée y frime. Touche pas gratis derrière le vitrine. Via maman, il file la fête, il file la clean. En vrai c'est pas ça, pour draguer faut les silalises. Mi ange, mi démon quand y'a Ronzali. Yep, il calfile là où selon son envie. Garde pas l'icomate. pantalon, son plan fini calculé. Intouchable, ni quoi l'il est, parce que de l'île à l'égal est cru. Où il est pas parfait, ni pense à l'état d'être. Si c'est tout cas ou dans, qui dépense et peu ou veut, si c'est le fond ou la forme. En tout cas, ça plaît, c'est de la reine en avant. Tout le temps, toute chance, si vous veut, mais c'est lui qui décide. Ou non, chiante, et elle glisse ou derrière, et c'est la plisse l'y fait. Au final, on connaît pas vraiment cette livée. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Cette cambo à frise au bail, fait lève à nous. Zotif et tout à nous tête, mais nous comprend pas pourquoi. C'est pas Zot, nous les attirer. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Tant de gars qui plane à nous. Tant de gars qui plane à nous. Tant de gars fait tout à nous tête, mais nous comprend pas pourquoi. C'est pas Zot, nous les attirer. Pas ces gars-là. Un verre au bar et puis deux au final où l'a compris. C'est qui gars-là. Pouvoir en vrai de cuisine capa. Prête à faire la michto L'île est bonne d'eau pour vol d'ando. Vous verrez l'idée dans ton bendo. Somme lisse de vrais amis le long. Combien l'idée d'affinerait de prix. Pas ces gars-là. Un verre au bar et puis deux au final où l'a compris. C'est qui gars-là. Prêt à faire la michto, l'île est bonne d'eau pour vol d'ando. Vous verrez l'idée dans ton bendo. Somme lisse, de vrais amis le long. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Cette cambo à frise au bail, fait lève à vous. Zotif et tout à nous tête, mais nous comprend pas pourquoi. C'est pas Zot, nous les attirer. Inaccessible, mais c'est ce genre de gars qui plane à nous. Cette cambo à frise au bail, fait lève à vous. Zotif et tout à nous tête. Mais nous comprend pas pourquoi. C'est pas Zot, nous les attirer. La la la la la la la la. Aujourd'hui, c'est vendredi, et vendredi, tout est permis à tous. Oui. Ça, c'est bien. Et on vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous vous réveillez en ce moment, si vous êtes sur la route, eh bien, bon courage. Ça y est, c'est presque le week-end. C'est presque le week-end. Restez près de votre téléphone. On va jouer avant 6h au 02 62 99 2000. Et dans un instant, on ira au marché forain, direction Saint-Jean. Los Angeles. À tout de suite. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et on fait le plein de vitamines. Ouais, et avant 6h, on joue aussi. Hein. Ah bah oui. N'oubliez pas. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et Prisca qui a déjà posté sur Facebook des images de ce marché de Saint-Joseph. C'est à vous Prisca. Alors bienvenue ici, c'est le seul marché, je vous ai dit, marché éphémère couvert, puisque nous sommes dans cet espace du côté de Saint-Joseph, hein, où les marchands se sont installés depuis près de 3 heures ce matin. On continue à dire bonjour, bonjour monsieur, comment ça va ce matin? Ça va? Venez, vous êtes en direct sur Réunion Première, vous arrivez d'où? De la plaine des CAF. Que ça, on y fait sur le marché, là? Travailler. Qu'est-ce que vous êtes venu vendre? Je vends des fruits d'importation. Fruits d'importation, des pommes, des poires, des scoubidous? Non, les scoubidous, j'ai oublié à la maison. À tout à l'heure, on viendra vous faire un petit coucou. Alors, nous sommes avec Jean-Noël. Jean-Noël, la bonjour, ramène Jean-Noël. Des avocats. Ah. Un avocat, il fait 1,5 kg. Oula ! Aïe, aïe, aïe, c'est quoi cet avocat? Jean-Noël, où sont ils sortent, ces avocats-là? Bonjour. Pleine de coffres. Et on l'a dit qu'il ne faut jamais faire cloquer un avocat. Pourquoi? Cloquer. Ça, c'est ce qu'on a tendance à faire tous. Hein. Dès qu'on arrive devant le tas des avocats, nous prenons les avocats. Mais ce couille. Presque on vous entend plus, hein. Je crois qu'on a perdu la liaison avec Saint-Joseph et le marché éphémère donc couvert de Saint-Joseph. Vous nous entendez? Oui, voilà, on revient, c'est bon. Allez, là c'est bon. Parfait, allez. Oui. Donc pourquoi ne pas faire cloquer oui. un avocat oui, la question. Dans Noël? Parce que tout l'intérieur est noirci. Ah oui. Pourquoi? Bah oui, parce qu'après quand on l'ouvre là, on voit que c'est noir et en fait c'est. C'est parce qu'il a fait cloquer. Donc c'est plus tout à fait pareil. Un avocat à 1,5 kg, ça coûte combien? Ça change le prix ou pas? 2 euros. Ah oui, 2 euros. Et à cause du gingembre gros comme ça? Alors, Jean-Noël, il a ramené une variété de gingembre incroyable. Alors, pour vous donner juste une idée, tout à l'heure, on filmera ça sur la page de Facebook de Réunion Première, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Oui. Et ici, sur le marché forain, les amis, il y a aussi beaucoup d'ail pays et d'oignon pays, mais il va falloir mettre la main à la poche parce qu'il faut quand même 20 euros le kilo de oignons. Ah oui. L'ail. Mmh. Ah oui, c'est l'ail, pas rien. Mais enfin bon, en même temps, dans un plat, c'est bon aussi après. Hein, ça met du goût. Ah, Prisca, ça n'a rien à voir. Prisca, ouais, si oui, on fait pas cloquer les avocats là, ben comment on sait que les avocats est mûr et qu'on peut manger? Alors, si on fait pas cloquer les avocats, comment on sait que c'est mûr pour manger? Il faut regarder quand elle est jaune, quand elle est bien jaune. Voilà. On le voit, comment ça? Non, mais après, il peut appuyer un petit peu dessus. Ah, ah bon, il faut appuyer. Quand elle est chez où? Un petit peu. Au bout de 3 jours, bon ben oui. Il reconnaît après. Sans il trop appuyer, quoi. Donc, vous avez compris. Et pour le faire mûrir, comment on fait? Mettre dans le riz. Il faut mettre dans le riz pour aller plus vite. Ça, c'est vrai. Le riz dans du journal aussi? Ouais, ou dans du journal, du moment que ça chauffe. Alors, si vous achetez un avocat aujourd'hui, vous mettez dans le riz, on peut le déguster demain? Non, il faut compter 2 jours. 2 jours. Ça fait vite le mûrissement. Voilà. Ça fait le mûrissement. Eh ben, on a tous les conseils. On a tous les conseils. Merci, Prisca. C'est important, hein, parce qu'après, l'avocat n'a plus la même saveur. Bah, c'est ça. Allez, bisous, bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Tiens, on fait un petit bonjour à un gars de Saint-Jean qui fait un coucou lui à ses Catherine Elodie. D'accord. Il apprécie son petit café, sauf que gars de Saint-Jean, il faut changer de numéro maintenant. Oui, on a un nouveau numéro pour tous les messages par SMS. Il s'agit du 06 92 70 2000. Et maintenant, on va jouer au standard. Allez. C'est parti. Et là, ça se passe au 02 62 99 2000, puisque là, dans ces heures-ci, c'est l'heure où Nana Mouni rejoint à nous dans le studio. Bah oui, DJ Fou, il est là, DJ Fou. Salut. Ça va, DJ Fou? Oula, il fait peur. Il a une tête. Il va nous mixer, lui. Tu sais ce qu'on va faire? Je pense, l'équipe, là, on va faire les pires têtes au réveil. Je pense qu'on va gagner. Ça va être trop difficile. C'est dur, hein, ouais, ça, DJ, aujourd'hui. Ça peut être le prochain défi, ça, les pires têtes au réveil. Ah, je sais pas. Ouais. T'oserais? Prochain défi de la semaine prochaine, après le petit déjeuner. Je sais pas si j'oserais, mais on va voir. On va voir qui va oser. Bon. Aïe, aïe, aïe. On en reparlera. Oui, Dédé, c'est bon. Dédé, il ouvre sa bouche quand il faut pas, en fait. Dédé, hein, c'est notre technicien. Moukat. Dédé, bon, DJ Fou avec un mix complètement improbable ce matin. Comme d'habitude. J'ai peur. Allez. Écoutez. Ok. Alors, le principe, c'est de trouver le titre ou l'artiste. Hein. C'est ça. On est d'accord. Et d'appeler 0262 99 2000. Voilà, donc ça, c'est le premier extrait. Ok. C'est bon, DJ, ça, on a compris. Hein. Le deuxième maintenant. DJ. Ah. On finit ensemble, toi et moi. C'est pour ça. Ouais, c'est facile. Ce soir est là. Le titre ou l'artiste. Hein. C'est aussi simple qu'un appel. 0262 99 2000 pour gagner quoi? Eh bien, des invitations pour ce grand concert événement. Concert exceptionnel, enfants, Zillois. Ça va se passer au mois d'octobre au petit Stade de l'Est. Petit Stade de l'Est. J'allais dire le petit théâtre de l'Est. L'Indigo, Désiré, François, Cassia, ils seront tous là. Et avant les autres radios, nous, on a les places ici en exclusivité. Oui, monsieur, madame. C'est un concert à Réunion Première. Mmh. S'il vous plaît, enfants Zillois, je vois que ça appelle. Allez. Donc ça sonne beaucoup, même c'est sur toutes les lignes du standard. Oui. Alors maintenant, ce qu'on va faire... Tu choisis par hasard, comme c'est ça? C'est qu'on prend un appel au hasard, comme ça, et on Allez. Y va. Bonjour, la bonjour. Réunion. À qui on dit bonjour ce matin, dans Grand Matin? Allô, c'est à vous. Parlez sans Allô, crainte. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est qui au bout du fil? Je sais pas si c'est pas moi. Monsieur, c'est vous. À qui avons-nous l'honneur? À Nicole. À Nicole. Nicole, ça va bien, Nicole, ce matin? Oui, c'est vendredi, donc tout va bien. Ah, bah vous avez plus la forme que nous, on dirait même. C'est impressionnant, ça. Toujours. Bon, parfait. Vous faites quoi dans la vie, Nicole? Dans le médical. Dans le médical. Bon, voilà. Ma chère Nicole, vous avez entendu, comme moi, Isa, les titres que l'on vient de vous passer. À votre avis, quels sont-ils? Donc, en premier, c'est Céline Dion. Ouais. Et en deuxième? Et en deuxième, c'est cette année-là. Attention. Alors, c'est pas tout à fait cette année-là. C'est plus le soir, plus le soir. Oui, plus le soir, donc c'est la reprise, vous savez. C'est Le soir. Le soir, donc c'est... C'est voilà. Le soir, ma chérie. Les nights. Non, non, en pas français night, même. Le soir en français, pas en besoin français. De chercher compliqué. En français, le soir, c'est... Bah, allez, le soir. Night. Quand c'est pas la journée. Quand c'est pas la journée, c'est là. La nuit. Non, quand c'est pas. Enfin, si, ça peut, mais. avant la nuit, c'est là. Avant la nuit, vous passez une. Bonne journée. Non. Une... Oui, non, mais. Non, mais... Alors, on va pas y arriver, Jean. Hein. Donc, il y a la journée. Il y a la nuit, mais entre les deux, il y a. Vous allez au restaurant, par exemple. En début de. Mais il fait presque nuit, quoi. Mais... Après-midi. Non, non, mais. Mais non, le soir. Écoute, voilà. Il est gentil, le budget. Voilà. Alors, c'est ça le mot. Ces soirées-là. Oui, bah voilà, on est arrivé. Oui. Bah oui, parce qu'avant la nuit, il y a la soirée, quoi. Bah, c'est ça. Oh Nicole, attention à mon rythme cardiaque à côté. Aïe. Le mien aussi. Bon, bah Nicole, c'est normal. C'est difficile le matin, on comprend. C'est dur, on comprend. On a du mal à démarrer. Soucis. Donc en fait, effectivement, c'était Reste Céline. Au pluriel. Hein oui, au pluriel. Au pluriel. Voilà. Céline Dion. Je cherchais un autre mot que soirée, moi. Bon, mais c'est pas grave, Nicole. Céline Dion encore un soir. Et donc Yannick, ces soirées-là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous avez gagné. Ah, bravo, c'est ça le plus important. Nicole. Les deux invitations pour ce concert sont pour vous. Ce sera eh bien, un beau concert, un grand concert, 3 heures de musique. Et vous y serez, petit stade de l'Est de Saint-Denis, enfants zillois, Cassia et l'Indigo sur scène. Et Nicole, hein. Après la soirée, il y a. Après la soirée, il y a. Il y a quoi après la soirée? La nuit. La fête. Oh, la fête, si vous voulez. Oui, la fête. Bon week-end, Nicole. Allez, bisous. Salut. Et il est 5h54 dans toute la Réunion. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Mansart, née Lagourde Marie Léona. Madame Mansart, née Lagourde Marie Léona, le décès est survenu mercredi. À l'âge de 98 ans, le convoi mortuaire sortira du numéro 40, chemin Temps Rouge à Saint-Gilles-Léo. Aujourd'hui, à 15h, la bénédiction ralliant l'église de Saint-Gilles-Léo à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Ivanoé Jean-Christian. Monsieur Ivanoé Jean-Christian, le décès est survenu mercredi à l'âge de 68 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 44 rue Pablo Picasso, cité Couture, au port, samedi, donc demain à 13h30. La bénédiction ralliant l'église de la ZUP au port à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière paysager du port. Décès de Madame Abrousse Marie-Christiane, née Chantec. Madame Abrousse Marie-Christiane, née Chantec. Le décès survenu hier à l'âge de 88 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à la chapelle ardente à 14h30, suivie de la crémation au centre funéraire du Sud à 16h30. Le décès de Mademoiselle Solé Marie-Charlette. Mademoiselle Solé Marie-Charlette, dite Lélette, fille de Madame Alamélou Augustine. Le décès est survenu hier à l'âge de 64 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. L'inhumation aura lieu à Prima. L'heure sera précisée ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Et Mickaël, une petite info pratique. Oui, quelques infos même on peut dire sur plusieurs villes, notamment Le Tampon et Saint-Paul pour ce vendredi. Coupure d'électricité pour travaux prévus de 8h30 à 14h30 au Tampon. Alors en partie sur les chemins Mévisou, d'Heurveillé-les-Bas, impasse des Sans-Soucis, rue Roland-Fabien-Waraud, impasse Quinclé, route du Piton-Hyacinthe et rue des Écoles. Toutes ces routes, rues et impasses et chemins sont concernés en partie. À Saint-Paul, de 8h30 à 16h, là aussi en partie, rue des Chocas, impasse des Chrysanthèmes, rue Gabriel-Martin, Louis Desjardins, impasse des Grenadelles, des Cities, chemin Sans-Soucis, impasse des Antigones, mais cette fois-ci pour l'ensemble de l'impasse, tout comme celle des Clochettes, Marjolaine. On revient sur des chemins en partie Boutique Rouge, rue des Agaves, impasse Adrien, rue des Pétrelles, rue d'Armagnac, rue des Cormorans, du Vieux Tamarin, chemin de Navani, route du Théâtre et chemin des Lantana. Les dernières rues et chemins que je viens de vous citer sont concernés donc en partie par une coupure d'électricité à Saint-Paul. de 8h30 à 16h. Et puis, n'oubliez pas, un appel aux donneurs est fait pour le groupe O. L'alerte stock est maintenue par l'EFS, établissement français du sang. Et il y a une collecte qui est prévue aujourd'hui, même deux collectes à la mairie de Saint-André de 8h à 13h et à Auchan-Saint-Louis de 12h30 à 17h. Et puis dimanche, dans le cadre de la journée sport et santé, à côté du terrain de tennis du Front de Mer à Saint-Paul, une collecte sera organisée aussi, collecte exceptionnelle, de 10h à 17h. Et avant 6h, le journal de Stéphane et Lorac. Il y en a marre avec Tiken Jaffa Coli. Oui, il y en a marre cette semaine, il faut qu'on aille en week-end. Ouais. Excellent réveil, La Réunion. Bienvenue, vous êtes dans Grand Matin. Des généraux aux commandes, des populations opprimées, les aides aux pays détournés, des populations affamées, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. On en a marre. Ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Comment dénoncer cette situation? Ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas qu'on peut réclamer ses droits. Ils ne partagent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. J'adore ce titre de Tiken Jaffa Coli, parce que c'est vrai qu'on en a marre, mais ça nous fait tellement plaisir d'être avec vous le matin, comme Marie par exemple, qui est là. Alors Marie, il faut vraiment envoyer vos messages sur le nouveau numéro, ça sera encore mieux, comme ça on pourra les lire plus vite. 06 92 70 2000. Exactement. 2 degrés ce matin seulement à la plaine des Carpes. Ma fille. C'est léger, ben c'est oui. frais, il fait beau quand même. Ouh là il fait là, beau. Là là là là là là. Marie, si vous avez bien entendu et bien compris le nouveau numéro, allez. Envoyez-nous un petit SMS, mais c'est le nouveau, là. Comme ça, on vérifie. C'est ça. 06 92 70 2000. Ma chère Marie, c'est le nouveau numéro pour les SMS. Et apparemment, il y aura du soleil à la plaine des Cafons. Bah alors. Tout va bien. Tout va bien, Marie, pas de problème. 6h01 sur la première. Le journal Stéphane Henny-Lorac, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 600 à 800 billets d'avion délivrés en urgence, les vérifications de dossiers a posteriori. L'Atome tente de désamorcer la crise causée par un bug sur son site web. Dans les agences, les bénéficiaires se résignent alors que le président de région Didier Robert, qui a lancé son projet pour l'éducation et la jeunesse hier, ne manque pas l'occasion pour critiquer l'État. Incivilité, désordre, dégâts dans les bus. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Louis dit stop, avec une première opération de sensibilisation hier. Repeupler nos forêts avec les espèces endémiques, c'est l'objectif du partenariat entre le parc national et la pépinière municipale du port. Plus d'informations en fin de journal. Les étudiants qui attendent leur billet d'avion pour partir dans l'Hexagone seront donc servis. C'est ce qu'a annoncé hier matin le responsable local de l'ADOM, reconnaissant un dysfonctionnement de son site web, ce qui bloque le traitement des dossiers. Une annonce qui a rapidement fait le tour des ondes radio. Conséquence, une affluence exceptionnelle au siège dionysien de l'Agence pour la mobilité. Reportage Daniel Dambreville. Ils sont arrivés souvent avant l'ouverture des bureaux à 8h15 et depuis patientent devant les guichets d'accueil et la salle d'attente. Charlène s'impatiente, elle doit prendre l'avion ce week-end. L'étudiante est attendue lundi à Bordeaux et elle n'a toujours pas de billet d'avion. Ben, vu le temps qu'ils prennent juste pour valider un dossier, alors la tonne de personnes qui doivent valider, il y a des chances pour que je parte quand mi-septembre. Vous avez fait votre demande quand? Début juillet. Donc là ce matin vous êtes là pour quoi? Pour prendre le billet. L'annonce a circulé dans les médias, l'ADOM distribuerait les billets d'avion en urgence. Alexandre Imhoff, le délégué régional, confirme 600 à 800 dossiers sont concernés. On va envoyer de façon massive les billets d'avion à ceux qui en ont fait la demande sur le site internet. L'urgence est de délivrer les billets d'avion et s'il faut, on reviendra vers les bénéficiaires pour leur demander des pièces complémentaires. Et on a déjà la date de vol sur le système d'information. On rassure juste la personne qui vient nous voir en disant on confirme votre date de vol et vous allez recevoir un billet d'avion sur votre messagerie. À l'origine de cette mesure d'urgence, un bug du site de l'ADOM saturé par quelques centaines de dossiers non conformes. Pour Didier Robert, le président de région, c'est une nouvelle démonstration des carences du dispositif piloté par l'État. Cela pénalise aujourd'hui les Réunionnais, cela pénalise beaucoup de jeunes Réunionnais. Je m'en suis encore ouvert hier dans la journée avec monsieur le préfet pour lui demander effectivement qu'il puisse y avoir des décisions sérieuses qui soient prises en ce qui concerne l'ADOM. En moyenne, chaque année, 3500 Réunionnais bénéficient d'un billet d'avion payé par l'ADOM, et ce, dans les deux sens. Daniel Dambreville et le dossier de la mobilité. Il en sera à nouveau question à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Erika Baretsch, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle et conseillère municipale de Saint-Denis. Et des jeunes mieux formés, mieux orientés et mieux soutenus dans leur parcours, des jeunes avec un passeport pour la réussite. Et c'est l'intitulé de l'un des 7 piliers du projet de la nouvelle mandature de Didier Robert. Le président de région l'a officiellement lancé hier matin lors d'une visite au lycée hôtelier de Plateau-Caillou, un établissement en chantier depuis quelques mois. Nouvel internat, nouveaux ateliers, nouvelle salle commune. Les travaux en plusieurs phases seront complètement terminés d'ici 3 à 4 ans. Une quinzaine de lycées dans toute l'île sont dans une situation similaire, mais au-delà de ces rénovations, Didier Robert nous rappelle les ambitions de son projet. Concrètement, c'est l'engagement très fort que nous prenons, donc conseil départemental et conseil régional, avec l'ensemble des jeunes réunionnais, pour faire en sorte que nous puissions mieux coordonner finalement l'ensemble des dispositifs et permettre à chaque jeune réunionnais d'avoir un parcours individualisé, un parcours renforcé qui lui permet d'avoir toutes les chances de réussite. À titre d'exemple, donc nous avons dès cette année mis en place avec le conseil départemental donc un site commun pour faire en sorte que tout ce qui concerne des bourses aux étudiants, finalement, un jeune réunionnais qui veut s'intéresser peut très bien avoir une entrée commune et ensuite s'orienter soit vers le conseil général, soit vers la région, pour pouvoir être certain, encore une fois, de ne pas passer à côté. Le président de région Didier Robert qui a également confirmé que 3 nouveaux lycées devraient bien voir le jour dans le département et dans les prochaines années. Éducation toujours, mais cette fois-ci à l'extérieur des établissements avec ce message « Stop aux incivilités dans les bus ». À Saint-Louis, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a lancé hier sa première opération au collège Égésie-Poirot. Il s'agissait de sensibiliser les collégiens pour éviter que les mauvais comportements perdurent, car pour les chauffeurs de bus comme Josie, le quotidien est souvent difficile. Oui, c'est très difficile parce que déjà, il faut qu'on gère la route et en plus, il faut gérer le bus, c'est pas évident. Et bien souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut venir travailler? Parce qu'à chaque fois, on se fait injurier parce qu'on fait notre boulot. Est-ce que vous êtes fait agresser déjà? Oui, je me suis déjà fait agresser à cause des vélos. Les bus sont équipés pour transporter des vélos, 2 vélos maximum. Et eux, ils veulent monter à 11. Quand on lui a dit non, là, c'est des conflits. Voilà. Oui, c'est très compliqué. Bien souvent, on leur demande de céder la place. Ben là, c'est les disputes, la bagarre générale dans le bus. Témoignage de Josie, chauffeur de bus, recueilli par Sophie Persson. Et on continue maintenant avec la présentation des candidats à la présidence de la Chambre de commerce. 34 000 entreprises, on vous le rappelle, sont appelées à élire les membres de la CCIR à partir du 20 octobre. Un scrutin par correspondance qui devrait concerner 3 listes. Après le président sortant Ibrahim Patel dans notre édition précédente, place désormais à Michel Alamel. Au micro de Henri-Claude Elma et Alexandre Apech, il dit pour vouloir sortir les entreprises de ce qu'il appelle l'emprise du RSI. toutes les entreprises payent le RSI. Et moi, je suis anti-RSI. C'est seulement à cause de ça. Mais on a déjà eu des contacts avec, par exemple, le MEDEF ou la CGPME? Tous les deux jours, nous avons des contacts avec ces organisations. Ben, pour essayer de trouver un accord, pour essayer de travailler ensemble, et surtout pour enlever le président sortant et son équipe actuelle. L'enjeu, ben, c'est l'avenir de la Réunion, c'est l'économie de la Réunion, les entreprises de la Réunion. Mais quand tu discutes de quoi? Des entreprises de la Réunion, du programme, et surtout le bilan catastrophique de ces 6 dernières années de la Chambre de commerce vis-à-vis des entreprises. Et si on laisse, comme je vous répète, si on laisse encore 5 ans la Chambre de commerce avec le président sortant et son équipe, ce sera une catastrophe sans précédent pour la Réunion. Michel Alamel, candidat à la présidence de la CCIR, et en parlant du régime social des indépendants, justement, une dizaine de chefs d'entreprise est venue dire son ras-le-bol hier devant le siège de l'organisation à Saint-Denis. Ils dénoncent des montants exorbitants, souvent en dizaines de milliers d'euros, qui leur sont réclamés. Redonner à nos forêts sèches leurs habits d'antan, c'est l'objectif du partenariat établi depuis le mois de juillet entre le parc national et la pépinière municipale du port. Pour cela, il faut semer, bouturer et se faire multiplier les plants de nos espèces endémiques. Et des opérations que vous pouvez observer sur place dans cette structure ouverte au public. Et tout comme Huguette Bello lors d'une visite officielle hier matin. Et la députée avait pour guide les responsables et les ouvriers de la pépinière, mais aussi Armand Mugnata, l'adjoint à l'environnement à la ville du port, nous parle des avancées de ce partenariat avec le parc national. Le parc national a fait un certain nombre de boutures, ils ont fait quelques expériences. Aujourd'hui, on parle de 40 000 sujets, dont 10 000 par an. Il y a des petits nades, des grands nades, il y a encore d'autres espèces qui vont venir certainement. Le parc national passe régulièrement à la pépinière pour justement contrôler et voir l'élaboration de ces plantes-là. Le nat, moi j'insiste là-dessus, le grand nat, à l'époque, c'était des bottes charpentes. Donc les gens utilisaient ça. Et cet arbre-là ne peut pas tout seul repousser. Il fallait des tortues bien spécifiques, hein, des tortues qui sont en Floride à date d'aujourd'hui, qui, à travers de leur excrément, ben, faisait que la plante proliférait. Aujourd'hui, on essaie en train de créer la méthode pour pouvoir remettre ces grands nattes et ces petites nattes un petit peu partout dans l'île de la Réunion. Armand Mugnata, adjoint à l'environnement à la ville du port, nous dit aussi que bientôt un projet permettra d'admirer ces espèces endémiques au sein même de la cité portuaire. Place désormais à l'actualité nationale et internationale avec Martin Bartoletti de France Info. La polémique autour du burkini va peut-être prendre fin. Le Conseil d'État doit rendre ce vendredi sa décision sur la légalité de l'arrêté qui interdit ce maillot de bain sur la commune de Villeneuve-Loubet. Un avis de la plus haute juridiction administrative de France qui fera jurisprudence. Une trentaine d'autres municipalités sont concernées par ces mesures. Ce jeudi, trois juges ont examiné la requête déposée par la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie. Ils dénoncent dans l'interdiction du burkini une atteinte à la liberté de conscience et de religion. Burkini devenu aussi un argument de campagne de Nicolas Sarkozy. Il veut tout simplement le bannir de l'ensemble du territoire et ce par l'intermédiaire d'une loi. L'ancien chef de l'État l'a annoncé au cours de son premier meeting ce jeudi à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. On repart de zéro, il n'y a plus de médiation possible. Ce sont les mots du médiateur des négociations entre Lactalis et les producteurs de lait. Après 11 heures de réunion à Paris, aucun accord n'a été trouvé. Les éleveurs ont même claqué la porte cette nuit, refusant le prix de 28 centimes d'euros le litre de lait proposé au cours des discussions. Des agriculteurs qui en réclamaient 40 et qui du coup maintiennent leur blocus devant le siège de Lactalis à Laval. Sur place, les manifestants ont indiqué que la relève était organisée jusqu'à lundi. Un avion de tourisme a dû atterrir en urgence ce jeudi soir à l'aéroport parisien d'Orly, ce qui pourrait perturber le trafic. L'appareil occupe toujours l'une des pistes. Tout est fait pour l'évacuer d'ici la fin de la nuit, a annoncé un responsable. L'engin devait à l'origine se poser dans les Yvelines, mais il a été dérouté vers 22h, ce petit avion de 4 places a rencontré un problème de train d'atterrissage. À son bord, un seul homme, le pilote, il n'est pas blessé. Les chances de retrouver des survivants en Italie se réduisent. 48 heures après le séisme qui a secoué le centre du pays, les secours sont toujours en action, mais dans des conditions compliquées. La terre tremble encore par moments et les dégâts sont considérables. La protection civile italienne a annoncé avoir secouru 215 personnes. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 250 morts et plus de 360 blessés. Le constructeur Volkswagen et 650 concessionnaires des États-Unis ont trouvé un accord d'indemnisation. Les deux parties avaient rendez-vous ce jeudi devant un tribunal de San Francisco après le Dieselgate et le trucage des contrôles anti-pollution. Cet accord doit encore être validé par la justice américaine, faute de quoi un procès pourrait avoir lieu l'été prochain. On connaît les adversaires des clubs français pour la Ligue des Champions. Le plus gros morceau pour le PSG est anglais, c'est Arsenal. L'OL va se frotter à la Juventus de Turin et au FC Séville. Monaco affrontera Tottenham, le CSKA Moscou, encore le Bayer Leverkusen. C'est une équipe rajeunie qui a sélectionné ce jeudi Didier Deschamps. L'entraîneur de l'équipe de France n'a pas convoqué Patrice Evra ni 6 autres joueurs présents lors de l'Euro. En revanche, c'est le retour des Lyonnais Alexandre Lacazette et Nabil Fekir. Prochain rendez-vous pour les Bleus le 1er septembre en amical face à l'Italie et le 6 septembre pour affronter le Bélarus en match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. 43 départements toujours placés en alerte orange canicule par Météo France. La Vallée des Landes au Pas-de-Calais et de l'Est au Centre. Le temps sera donc chaud pour ce vendredi. Les minimales iront de 15 à 21 degrés, parfois 22 à 23 près de la Méditerranée. L'après-midi sur l'ensemble du pays, comptez entre 32 et 37 degrés. Déjà 6h13 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et Mickaël, ce sera un vendredi clément avant un week-end plus mitigé. Oui, avec l'arrivée de cette houle qui devrait grossir donc en journée de samedi et dimanche, le pic de houle sera atteint avec des vagues qui atteindront certainement 8 mètres pour les plus hautes. Donc il faudra être extrêmement prudent aux abords du littoral. Et au-delà de l'extrême prudence aux abords de la côte, on aura forcément certainement un avis de forte houle hein, qui ne permettra pas aux plaisanciers d'aller en mer. Ouais. Pour ce week-end. Alors, que va-t-il se passer ce vendredi ? Eh bien, un peu comme hier, ça va se couvrir dans l'après-midi, surtout sur les hauteurs du nord et les plaines de l'est. Ciel mitigé au volcan et dans l'intérieur et sur la frange littorale, on devrait avoir quelques éclaircies, surtout en allant vers le sud. Le vent lui soufflera encore faiblement aujourd'hui, 30-40 km/h tout au plus sur Saint-Pierre et les températures entre 23 et 26 degrés. Et la mer déjà commence à grossir, comptez sur 2,50 m de vague en moyenne sur le sud sauvage. Donc faites attention, surtout quand vous êtes près de la mer. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et on s'intéresse au trafic routier de ce vendredi. Yves Gruyer, rue Malartic. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Oui, rue Malartic, il y a des travaux au niveau du carré qui est formé par l'angle des rues Malartic, Ruisseau des Noirs et Bertin. Donc travaux d'aménagement. Bientôt c'est la rue des Mandiers qui sera également en travaux de réfection de chaussée. Chaussée qu'on réduit pour un petit peu casser la vitesse, mais surtout pour créer des places d'emplacement, hein, de parking qui sont nécessaires et très demandées. Donc voilà pourquoi donc vous avez ces chaussées qui se rétrécissent. La circulation qui se fait correctement pour le moment, puisque c'est en bas de viaduc simplement que démarrent les ralentissements. C'est la première fois de la semaine. Assez peu d'encombrement, en espérant que ça dure comme ça déjà pour une bonne partie de cette matinée. Donc un peu moins de trafic dans le sens sud-nord. Attention, il y a la présence d'un véhicule arrêté de virage du gouffre, sortie de virage du gouffre. C'est une personne qui a fait un malaise. Le véhicule est resté sur place avec les warnings. Il est sur la bande d'arrêt d'urgence, donc il ne gêne pas. Là, c'est un arrêt urgent. Donc là, il n'y a pas de contrainte, mais sur une bande d'arrêt d'urgence, on ne s'arrête pas. Ça peut vous coûter 35 euros. Ça, c'est pour ceux qui voudraient faire des photos de Zurich notamment. Voilà, puis là, l'entrée ouest, ça roule correctement. Bonne route à tous. Merci Yves, et on vous retrouve un petit peu plus tard dans un quart d'heure, hein, comme tous les jours, du lundi au vendredi, dans Grand Matin. On ira au marché de Saint-Joseph. Avec Prisca. Et on vous fera gagner également votre bon de 20 euros avec les magasins Espace Fraîcheur, des fruits, des légumes, ce que vous voulez. Ouais, à gagner au 99 2000. Pour cuisiner tout le week-end, voilà. Ça peut être bien, juste après Pixel. Hein, bah oui, avec musique sur Première. Bon réveil. Et elle n'est qu'éphémère. Elle nous vole avant qu'on la possède. C'est vrai que grâce à elle, je persévère. Et il s'avère que sa saveur m'obsède. J'ai besoin d'être en sa compagnie. Elle m'aide et me soutient. Je ne suis rien sans elle, elle compatit à la douleur des miens. Elle sourit quand je pleure. Elle vit quand je meurs. Je ne suis qu'un pantin qui vit. inconsciemment se leurre. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous, mais pas avant. Il utilise à tort, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Ce n'était que pour la gloire qu'ils ont emprunté ce chemin sans savoir qu'ils n'y boiraient que du noir. En se remémorant toutes leurs histoires. Et c'est seulement quand on se ment que l'on se blesse tout doucement. Il n'y a rien à faire, on ne peut s'en défaire, on en a fait le serment. Et c'est souvent en l'écoutant qu'on se rappelle qui on est vraiment. Leur paradis est un enfer où ils trouvent la voie du démon si envoûtant. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous, mais pas avant. Il utilise à tort. Le dernier pixel, à votre avis, il est produit par qui encore? Ah, Skyron, bah non? Oui. Avec sa petite marque au départ. Tu m'étonnes. La petite signature. Ouais. Autant vous dire qu'on attend avec beaucoup d'impatience l'album de Pixel prévu pour le mois de septembre, là, bientôt. Ça là. Arrive. Dans 2-3 semaines. Il viendra forcément nous en parler dans Grand Matin. Évidemment. C'était Musique sur Première. A tout de suite. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Première. 20 euros à dépenser dans tous les rayons d'Espace Fraîcheur. C'est ce qu'on vous offre maintenant en appelant un seul numéro. Vous le connaissez maintenant. Le 0262 99 2000. Alors qui veut gagner ce bon de 20 euros et faire plaisir à toute la famille? Un paquet de monde. Pourquoi pas en cuisinant des petits plats bien mijotés pour ce week-end? Eh bien c'est le moment de nous le dire, c'est le moment d'appeler 99 2000. Et vous êtes déjà nombreux, hein, sans vous cacher, à appeler ces lignes du standard. Allez, vas-y, appuie sur un bouton. Toute la Réunion qui nous appelle, petite île, la Possession, Bois de Neuf, la Rivière. J'aime bien Saint-Paul. Allez, dans l'Ouest. Saint-Paul, Armel. Bonjour Armel. Elle est femme au foyer, Armel. Oh là là, le coq il chante. Le coq est là. Oui. Le coq est content de nous entendre aussi, apparemment. C'est la façon de lui dire bonjour. Mais toi aussi, mon coq. Bienvenue, le coq. Bienvenue. Allez, le chien aussi s'y met, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la journée mondiale du coq, c'est celle du chien. Encore une fois. Salut, c'est Grand Matin. Ah, il est à fond, le coq. Hein. Armel, il saoule pas, c'est à un moment donné. Armel, il s'arrête quand, le coq, en fait, là? Comment? Il s'arrête quand, le coq? Jamais. Non, c'est jamais. Ouais. Ça dépend de leur humeur. Armel, mais c'est fatigant. Oui. Femme au foyer, mais vous gardez pas les coqs, vous gardez les enfants et marmailles. Non, j'ai plus d'enfants. Ah, il n'y a plus de marmailles. Ok. Non. Bon, vous êtes toute seule, alors, Armel? J'ai ma fille, mais elle est grande. Elle est grande. Et puis il y a le coq aussi. Ah hein. Oui, lui, tu peux pas l'oublier. Hein. Le coq est là. Bon, le coq, il est à vous ou il est au voisin? Non, c'est à nous. Oh, ah oui, ok. Disons la sonnerie téléphone. Ça, c'est la sonnerie Grand Matin, le coq. Non, c'est clair. On va le garder. Bah, oui. Un petit coup encore, le coq? Un petit coup? Ah bah il s'est arrêté. Mais il veut plus. Ah, il veut plus. C'est censé finir dans la marmite, ça, le coq là, Armel? Oui, c'est pas ça. Ah, il connaît. Il est de retour, il connaît. Quick. Bon, arrête-toi, le coq, hein, parce que plus vite. Aïe. Bon, Armel, de Bois-Neuf-Saint-Paul. Bois-Neuf-Saint-Paul. Le bon de 20 euros, il est pour vous. Hein. Eh bah bravo, Armel. Merci, c'est gentil. Mais c'est nous, un cadeau offert par Réunion Première et les magasins Espace Fraîcheur. On fait un gros bisou. Merci. Et les fruits et légumes. À vous aussi. Les fruits et légumes à cuisiner avec le coq, hein, Armel. Hein. ou pas, ou pas. Oui. Comme vous voulez après. Hein. Oui. Bon. Allez, bisous. Et bisous, Armel. Bonne journée. Bon réveil, bonne journée. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y va bon cœur. Ah oui, il y va. Hein. Bon, il bah, est chaud, en même temps, il faut lui, vivre. Hein. Bon, Scheim sur première. Puis d'étoiles, j'ai hurlé mon amour. Je l'aimais comme si plus rien n'existait autour. Peu importe que la nuit tombe, peu importe je cours, j'ai dans l'âme une lueur d'ombre, j'attends ton secours. Scheim actuellement à New York avec son amoureux Benoît Paire, le tennisman. Elle a posté d'ailleurs sur Instagram son joli tatouage à la cuisse. Très joli tatouage, magnifique. Et puis elle nous a fait apprécier sa jolie silhouette. Voilà. Et forcément, dans ces cas-là, le tatouage il est plus joli. Ouais. Ouais. Pourquoi ce qui t'intéresse tout de suite, hein. Son titre, rien, tout c'est ça, sur, ou pas avec c'est, ça, c'est sur Instagram. Tatouage, c'est vacances à New York. Je regarde ce qu'il a regardé. Voilà. Il faut vivre en même temps. Bah il a raison oui. d'aider hein, alors, la technique. Technicien Pierre, pas le nom non plus. Allez, hein. Allons sur le marché de Saint-Joseph parce que nous, on n'est pas à New York. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Quoique, on dit le Saint-Joseph des fois. Hein. Bah oui, coucou Prisca. On fait un concours de chant de top. Allez. Je suis dans le poulailler. Hein. Ah là, dans c'est la plus case, facile. Hein, pendant que je fais la cour. Non, je suis bien sur le marché Saint-Joseph. Je suis avec Patrick. Et Isabelle, vous entendez là derrière? Oui. Alors Patrick la ramène à un qualité de coq comme elle n'a jamais vu. Il appelle le bleu d'Hollande. Oh c'est beau. Ah, oui. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Coq, Patrick. Voilà. Le bleu d'Hollande. Et chante Alila. En fait, il fait le bleu d'Hollande. Il peut appeler à lui aussi le Master Gris. Le Master Gris. Voilà. Oh. Comment il est décrit à nous un petit peu ce coq là? Bah en fait au niveau c'est une souffle lourde comme le polyphénol. Oula, il va de bon cœur aussi hein. Et puis, au niveau goût de la viande, il a un petit goût spécial. Ah, parce que ça se mange? Bah oui. Ah non, vous n'allez pas si. Le manger. Ah bah si. Ah bah non. Bah comme l'autre tout à l'heure, hein. On sait où il finira. La qualité de viande, il a un petit goût particulier, il est meilleur que le poulet fémin. Ah bah c'est vrai. Ouais. Voilà. Et le prix, il est pareil ou pas? Ça change aussi? Légèrement plus cher. Mmh. Ça coûte combien? Bah là, un coq qui fait à peu près 4,5 kg, c'est 25 euros. Et il y aura la photo tout à l'heure. Ah oui, hein. Oubliez la vidéo sur le site de Facebook de Réunion Première. Bien sûr. Isabelle, oui. Est-ce que vous avez déjà goûté Enfin, je parle à Isabelle dans le studio, mais je parle aussi à Isabelle qui accompagne Patrick. Ah bon. Avez-vous goûté au citron caviar? Oui. Au caviar, non. Bon. On va goûter au citron caviar. On va faire une petite séance de dégustation. J'ai mis mon turbo pour aller jusqu'à Armand, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et Armand, il vend ça à 4 euros la pièce. Le citron caviar. Ouais, le citron caviar, vous savez, c'est ce fameux citron qui se mange avec une pince à épiler. Oui, exact. Oui. Ouais, et c'est excellent. Alors attendez, hop, on arrive à côté d'Armand. Bonjour Armand, comment Bonjour, ça va? Bonjour Armand. Ça va très bien et toi? Ça va, vous avez ramené un Zarlor ici, où la ramène le citron qui a bien pris. Oui, pays, oui. Ils sortent tout ça, ça? Ben ça, ils sortent du côté de Saint-Paul. Ouais, c'est le citron le plus cher du monde, hein. Oui. Ça coûte entre 400 euros le kilo, mais vous n'allez pas le vendre à 400 euros le kilo, Armand? Ben, non. Ah non, pas du tout, à peu près 250 à peu près. 250 euros le kilo? Oui. Mais là, pour l'instant, ça se vend à la pièce. Il vend la pièce, voilà. 4 euros, combien? 3 euros la pièce. 3 euros la pièce. Bon. Et puis attention, j'ai fait une trompaison tout à l'heure. Alors, c'est quoi la trompaison? Elle est venue me tirer les oreilles. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que ben, j'ai dit qu'en fait, l'oignon pays coûte à 20 euros. Mais non, ça ne coûte pas à 20 euros l'oignon pays. Bah, on se disait que ça faisait beaucoup. 3,50 euros le kilo. Ouais, ah bah oui, c'est bah pareil. Pays, ah oui. C'est l'ail pays qui coûte à 20 voilà. euros le kilo. Ah, tout à fait voilà. pareil. Oui, c'est vrai que l'oignon à 20 euros, ça faisait cher. Bon, c'est bon. Voilà, on a tout rectifié. Allez, et je crois que le mot de passe. Armand, le mot de passe, c'est citron caviar avec Raymond Premier, Mickaël. Bah il y oui. en aura un dans le panier garni, comme ça vous allez pouvoir le goûter. Parfait. À tout à l'heure, à 8h30. À tout à l'heure, Prisca. Bon, c'était un marché de luxe Bisous, ce matin. Prisca. Le citron caviar et alors, le bleu d'Hollande. D'Hollande. Le président, ah. s'il alors. Vous plaît. Hein. Bon. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. 6h27 dans toute la... Vous êtes nombreux et nombreuses à poster vos photos sur la page Grand Matin. C'est chouette. Ça nous fait plaisir. Serge, notamment. Et puis, on a qui aussi? Daisy. Lily et Daisy. Voilà. Bisous à vous, les filles. Robin Schulz, Show Me Love. There's a notebook on the table. You can take it to the store. So you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war. But to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. Show me love. Et dans toute la année, vous écoutez Robin, Schulz et Juge. C'était Robin, c'était Chomilov sur, ouais, sur première dans, Robin dans son grand prénom. Matin. Bah, on mêle un peu les pinceaux là. Pas bon, mon cher Yves. Vous êtes à Vauban. Oui, quartier Vauban, pas très loin du buteur, entre le buteur et Chanfleurie, la circulation qui se fait plutôt correctement ici, tout en bas de la rue Montion, circulation à double sens, y compris sur le pont de la ravine du buteur, donc avant de rejoindre la rue Marcel Pagnol, circulation toujours aussi tranquille, hein, ce matin, ça se passe bien. Je vous en parlais tout à l'heure dans l'ouest, eh bien, c'est toujours le cas, c'est toujours pied de viaduc hein, vers l'échangeur de Belmen pour les ralentissements sur la fin de la route des Tamarins, avec quelques zones roulantes en plus sur cette digue, sans trop de difficultés pour rejoindre la rivière des Galets. Et ensuite l'entrée ouest de Saint-Denis est ralentie tout juste au niveau de la caserne Lambert. Pas de souci en provenance de l'est, ça roule y compris du côté de la marine de Sainte-Suzanne en ce moment, et pas trop de difficultés, virage ravine des Chèvres. Alors il y a peut-être un peu de monde au niveau de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne simplement. Alors les travaux de nuit sont terminés, donc c'est terminé pour les travaux d'enrobés cette semaine du côté de Pagnandi. Les travaux reprendront toujours dans le sens Saint-Benoît-Pagnandi avec le tapis final la semaine prochaine, donc attention avec les mêmes contraintes, mais attention, on attaquera également les travaux de rabotage dans l'autre sens, côté montagne cette fois-ci, attention avec cette évolution de chantier. Bonne route. Rendez-vous après le journal, Yves, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Des locaux neufs pour mieux étudier. Le programme de réhabilitation lancé par la région se concrétise au lycée de la Renaissance à Plateau-Caillou. Les classes mais aussi l'internat font peau neuve. Des voitures, les quatre pneus crevés. Voilà la mauvaise surprise réservée à des randonneurs qui se garent sur des parkings gratuits au départ des sentiers. Nous entendrons le témoignage d'un marcheur concerné hier. Présentation des candidats à la tête de la CCIR. Le programme de Bruno Cohen dans cette édition. Et puis, comment bouturer les plantes? La pépinière du port livre ses secrets avec une visiteuse attentive et connaisseuse hier, Huguette Bello, vous l'entendrez. La rentrée dans les travaux. Plusieurs établissements scolaires, des lycées notamment, sont en rénovation. Cela fait partie du programme lancé par Didier Robert. Le président de la région était hier au lycée hôtelier de la Renaissance à Plateau-Caillou pour marquer le coup. Dans l'établissement, les travaux ont démarré au cours des vacances du mois de mars dernier. Il s'agit de rénover les deux ailes de l'internat et de construire un espace réservé pour les ateliers de boulangerie et pâtisserie. Une réhabilitation très attendue par les élèves, surtout ceux qui logent à l'internat. On écoute Raphaël et Olga. Pour une part des travaux, oui, c'était assez nécessaire parce qu'on vit dans de bonnes conditions, mais ça commençait un petit peu à se dégrader, quoi. On voyait que c'était nécessaire de donner un coup de jeune au lycée. Alors, l'internat, on vivait dans des mauvaises conditions. Les murs commençaient à se dégrader beaucoup et on était en danger en permanence. Donc, moi, je trouve c'est une bonne idée de refaire le lycée. Et là, vous dormez toujours ici, là, en ce moment? Oui, on fait un internat pour filles et garçons qui ont TP le soir. Sinon, les autres sont dans l'internat d'autres lycées. Et ils vont refaire aussi les ateliers de pâtisserie, boulangerie, ouais. C'est juste du matériel neuf, en fait, c'est ça? Mais c'est ça, c'est surtout tout ce qu'il fallait. On se disputait un petit peu la place des fois, mais voilà, quoi. Un agrandissement, ça permet d'avoir plus de locaux, plus de disponibilité. C'est intéressant de travailler un peu avec du neuf. Bah, ils sont en train de faire tous les locaux, ils ont refait tous les locaux, à commencer par la cuisine des restos. Bon, petit à petit, ils refont un coup de neuf partout, quoi. Des propos recueillis par Stéphane et Nilorac. Effectivement, les travaux ne sont pas terminés. Ils devraient durer 3 à 4 ans pour réaliser le tout. Car en plus de l'internat, vous l'avez entendu, et des ateliers boulangerie, pâtisserie, les restaurants et l'hôtel d'application ainsi que des parties communes seront aussi rénovés. Que se passe-t-il sur les parkings de randonnée? Plusieurs cas de vandalisme ont été rapportés. Hier, les propriétaires d'une dizaine de voitures ont retrouvé leur véhicule avec les pneus crevés. Les voitures étaient garées tout près d'un parking payant et surveillé. Mauvaise surprise pour un groupe dans lequel figurent d'ailleurs plusieurs policiers. Le témoignage de Bernard. On est venu en rando avec des collègues de métropole qui sont en vacances ici. On est descendu par le sentier Scout jusqu'à Aurère et on est remonté par le sentier Auguste-Ave à Bois-Martin. Là, en arrivant, on voit le camion de dépanneur, on le croise. Il nous dit, toutes les voitures ont les pneus percés. Et puis on arrive, on voit tous les véhicules. Là, on attend que le dépanneur arrive, mais il monte. Il prend un véhicule à la fois. Du coup, on est là, on attend. On ne sait pas qui c'est, on soupçonne fortement. En plus, c'est pas juste une roue qui est percée, c'est toutes les roues. Même pas de vitre cassée, rien de volé, juste les pneus crevés. La suite, ce sera quoi? Une plainte en gendarmerie? Je sais même pas si le collègue il va le faire, parce que si c'est une seule plainte, ça va pas donner grand-chose. Si c'est plusieurs plaintes, oui. Bernard, randonneur joint par Karl Sivat. En bref, du nouveau à l'aéroport de Pierrefonds, l'équipe de Madagascar Airways est attendue cet après-midi à l'aéroport du Sud. Cette compagnie va desservir Madagascar depuis l'aéroport de Saint-Pierre une fois par semaine. Le personnel débarque aujourd'hui en attendant des vols avec de vrais passagers. La stratégie commerciale de la compagnie malgache sera dévoilée cet après-midi lors d'une conférence de presse. Des billets d'avion plus chers au départ et à l'arrivée à Roissy-Charles de Gaulle à Paris. C'est l'aéroport qui accueille les avions d'Air Austral. Le gouvernement envisage de créer dès 2017 une taxe sur les billets d'avion pour financer la liaison de train entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est à Paris, ce qu'on appelle la ligne CDG Express. La taxe devrait rapporter entre 35 et 40 millions d'euros. Les explications de Marie-Carline Chardonnet. Dès 2017, il faudra débourser un peu plus d'un euro pour chaque billet d'avion au départ ou à l'arrivée de Roissy. Une taxation qui a pour objectif de financer le projet de liaison ferroviaire entre l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Gare de l'Est. Le coût du projet est évalué à 1,4 milliard d'euros, auquel il faut ajouter 28 millions pour le matériel roulant. Le gouvernement a un double objectif, rassurer les banques et les investisseurs potentiels en mettant en place cette taxe 6 ans avant la mise en service du CDG Express, et être opérationnel à temps, surtout si Paris remporte l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. N'en déplaise aux compagnies aériennes qui redoutent que l'addition ne cesse de grimper. Pour rester compétitives pour leur clientèle installée en métropole comme dans les Outre-mer, elles réclament désormais une autre taxe ciblant les compagnies aériennes étrangères desservant Charles de Gaulle Étoile. Marie-Carline Chardonnay. Les élections à la Chambre de commerce et d'industrie à partir du 20 octobre prochain, pas moins de 34 000 entreprises seront sollicitées pour choisir l'équipe de l'ACCIR. Le vote se fera par correspondance. Pour l'instant, trois listes se sont déclarées. Ibrahim Patel, le président sortant, veut briguer un nouveau mandat. Michel Alamel mènera lui aussi une liste, tout comme Bruno Cohen avec Union Pays, l'union des patrons et des entrepreneurs indépendants. Le chef d'entreprise a basé son programme sur trois piliers. Il veut une chambre experte, indépendante et audacieuse. Bruno Cohen. L'ADN de la CCI, c'est l'entrepreneuriat. Donc nous sommes avant tout des entrepreneurs, avant d'appartenir à un syndicat. Le MEDEF, c'est 470 membres. La CGPME, je crois que c'est à peine 300. Je pense que 34 000 entreprises doivent être représentées par le maximum d'entrepreneurs experts dans son domaine. Et c'est cette expertise-là que je souhaite à la CCI. Les chances, elles sont assez fortes via le collège de l'industrie et le collège des services. L'idéal serait d'avoir également le collège des commerces que je m'y emploie. Mais il est certain que le programme que nous avons mis en place est un programme qui permettra à la CCI de reprendre sa légitimité. Bah, une CCI indépendante, hein. Une CCI doit être absolument apolitique. Ibrahim Patel étant aujourd'hui 7e vice-président de la région, trésorier adjoint de l'IRT, plus d'autres mandats comme président du RSI, le secteur privé doit reprendre ses droits au sein de la CCI. Une CCI sous tutelle régionale serait inacceptable et dramatique pour le secteur privé. Bruno Cohen, candidat à la CCI, interrogé par Henri Claudelma et Alexandra Pech. Début donc du scrutin le 20 octobre prochain. 6h37 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Et on part faire un tour, Isabelle, en forêt et en pépinière, redonner à nos forêts sèches leur habitat d'antan. C'est l'objectif du partenariat mis en place depuis le mois de juillet entre le parc national et la pépinière municipale du port. Pour cela, il faut semer des graines et multiplier les plants de nos espèces endémiques. Des opérations que vous pouvez observer sur place, car la structure est ouverte au public. Hier, il y avait une visiteuse pas anonyme. Huguette Bello était en visite officielle. La députée a notamment pu parfaire ses connaissances en matière de bouturage lors d'un échange avec des employés de la pépinière. Bonjour. Mon papa me disait que quand on plante, là on plante petit cœur comme ça. Ça s'appelle bouture de tête. Et après on peut couper comme ça à chaque fois qu'il y a un nœud. Alors, on coupe pas. Xora. Xora, c'est le gros. Bonbon rouge, orange, jaune, toute couleur là. Mais l'homme, il connaît bien. Eh ben, mon vieux, mon papa, c'est un planteur et donc il connaît comment il plante aussi. Hein. Voilà. Mouche la feuille. Moucher la feuille. Mouche c'est la ça feuille, voilà. Parce que si on laisse en entier, elle va pomper tout. Qu'il y a la sève. Et tout l'eau qu'il y a, et après, ça va mourir. Ça va sécher. Donc, on coupe droit dessous. Où on va sortir la racine. Et au-dessus, en bise d'eau. Déjà, un, pour reconnaître le sens, et aussi pour pas que ça pourrisse. Donc, voilà, pour les boutures. Pour toute plante, on peut faire comme ça? Pas toute plante, parce qu'il y a des plantes, il faut faire semis, et il y a des plantes, il faut faire division. C'est pour ça, là, on a un atelier de boutures et de semis. Oui, ouais. C'était des cochenilles. Ça veut dire comment la plante est en bonne santé. Ah. Et puis aussi... Un reportage de Stéphane Hennie Laurac. Et c'est la journée mondiale du chien. Aujourd'hui, l'occasion pour nous de vous présenter l'association Canisport qui propose des canis randonnées une fois par mois. Les chiens sont autorisés sur les sentiers, mais attention, il y a des règles à respecter pour la santé de votre animal. Alexandre Dallot, directeur de l'association Canisport, il vous rappelle quelques règles à respecter. L'équipement est indispensable parce que c'est réglementé par la Fédération des sports et loisirs canins qui est en métropole. Donc l'association est affiliée à cette fédération et il y a une réglementation bien spécifique sur l'équipement à avoir. Donc le chien, il faut vraiment qu'il ait un harnais adapté. C'est pour le bien-être du chien. La fédération, elle a mis comme une certaine limite sur les canis randonnés, c'est de pas plus de 20 km. Parce qu'après, ils estiment qu'au-delà, ça devient éprouvant pour le chien en fait. Donc après, le but, c'est que le chien reste toujours à l'aise dans la randonnée, quoi. Il ne faut pas qu'il soit à bout de souffle, il ne faut pas que ça devient pénible pour lui, quoi. Le but, c'est de prendre du plaisir, c'est pas de s'acharner sur le chien, quoi. Alexandre Dallot, au micro de Raphaël Kahn. Outre les randonnées, l'association organise un canicross, si ça vous intéresse, Isabelle, avec votre carpette. Le canicross, c'est au Parc du Colosse le 2 octobre prochain. Mais pour s'inscrire, il faut présenter un certificat médical pour le chien. Recalé, et pas pour direct. Et votre plume, Cécile? Mon votre plume, je pense qu'il serait aussi recalé. Bon, il faut qu'on s'entraîne. Enfin, faut qu'il s'entraîne. Devinette, carpette et plume vont en rando. Qui revient? Aïe, aïe, aïe. Ah ben ils reviennent, mais ils dorment bien après, ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Merci Cécile. Tout à l'heure pour la revue de presse. 6h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. C'est le conseil du jour, profitez bien de cette journée. Oui, parce que ça va changer, on va en parler dans un instant, mais d'abord on s'attarde sur la journée d'aujourd'hui. On se réveille sous un ciel bleu à peu près partout. Ça va se corser un petit peu dans l'après-midi avec des nuages qui vont s'imposer sur les plaines de l'Est et du Nord. Sur le moitié Nord, globalement, le gris sera d'actualité. Ailleurs, le ciel sera mitigé, notamment en volcan. Et puis plus on ira vers le Sud, plus on bénéficiera de soleil. Il fera encore beau sur les plages, le vent sera encore faible, 30 à 40 km/h à Saint-Pierre. Mais déjà, la petite prémisse du week-end, c'est cette houle qui va arriver sur l'ouest et le sud, des vagues en moyenne de 2 mètres qui pourraient atteindre 2,50 m. Donc pour les plus hautes, on pourrait déjà avoir 4 ou 5 mètres de vagues. Donc faites vraiment attention aux abords de la côte. Alors justement, vous parliez de la houle, le week-end sera donc houleux, venteux et pluvieux. Pluvieux. Voilà. C'est important, c'est la chronologie du week-end. D'accord. Mais il est vrai qu'on aura les trois éléments. La mer qui se déchaînera, le vent aussi, puis la pluie. Autant vous dire que par exemple sur les plages dimanche, ça sera vraiment pas terrible, pas que ça volait. Voilà, ça n'incitera pas au pique-nique. C'est pas chouette ça pour les enfants. Hein. 90 km/h attendu en pointe sur les aigrettes, notamment sur Saint-Gilles et sur la région de Saint-Leu. Ce qui veut dire que ça va être difficile de poser une serviette et le sable va voler. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y aura du soleil samedi et dimanche, même si la moitié nord sera toujours concernée par les nuages l'après-midi et le matin pour avoir quelques nuages dans le sud. Globalement, ça sera ensoleillé, mais alors encore pire, on aura de la pluie, certainement dans la nuit de dimanche à lundi avec la remontée d'un front froid. Tout cela dans une extrême sensation de fraîcheur, bien sûr, forcément. Tout va bien. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Des nouvelles du trafic tout à l'heure avant le journal. Côté ouest, c'était pas trop mal. Est-ce que ça va toujours bien, Yves ? Oui, c'est mieux qu'en début de semaine, mais c'est un petit peu remonté quand même. Hein. Donc un peu plus de difficultés. C'est au niveau du haut du viaduc du Bernica, donc sur la fin de la route des Tamarins. Il y a un peu plus de trafic sur la partie de Saint-Paul et passé l'échangeur de Belmaine, également sur la partie basse des rampes. Donc ça ramène un peu plus de monde au niveau de l'échangeur de Belmaine lui-même. Donc attention, prudence. Mais sur la route du littoral, ça se roule correctement encore. Les ralentissements sous le tunnel du Cap Bernard, donc un peu moins d'un kilomètre de ralentissement avant le carrefour avec la route de la montagne. Attention, on se rappelle que la rue du Pont est toujours en travaux face à la glisse d'adhérence. Donc cet ouvrage en travaux jusqu'à la fin de cette année. Et la circulation à cette heure-ci se fait uniquement dans le sens descendant. Le sens montant pour aller rejoindre la montagne, et vous êtes dévié par le pont Vinsane notamment. Voilà, en ce qui concerne l'entrée est, c'est encore roulant, mais il y a là aussi un peu plus de monde vers l'échangeur de la Marine. Quelques ralentissements donc au niveau de la montée de Bel Air et surtout au niveau de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Très bonne route sous un soleil qui est levé et sous un ciel très clair. Rendez-vous dans un quart d'heure, Yves. Oui, autant vous dire que voilà, c'est la journée de vendredi. Mmh. Elle est bien, cette journée, même si on est au travail, peut-être au boulot, peut-être pour vous. Actuellement, avant 7h. Avant 7h, on fait quoi ? Eh bien, on va s'inviter chez vous à nouveau, chez un Réunionnais ou une Réunionnaise. Exactement. Et cette fois-ci, ça sera Mickaël Pouvin. Exactement. Il sera avec nous, l'ancien de The Voice. Voilà. Qui a passé un casting, dis donc. Oui. Un casting, le casting un peu particulier. De Disney. Exactement, il a le répondu fameux à cette casting. Annonce. Comment ça s'est passé ? On lui demande. On s'abonne à la demande à Ligue. On lui demande. On l'a fait. Et bon, on va lui poser la question tout à l'heure. 6h50, les unes de la presse. Et juste avant, comme tous les jours, le Lecce revient pour son Zambrocal quotidien. Et on se met tous au régime. Allez, Lecce. Madame, ce matin où la passe devant votre miroir, et d'un affaire la commence tracassa où qu'on l'a vu trofler. Ou de corps la garde les séquelles des repas du passé. Le carré la pâte cochon l'a fait un bourrelet autour de ventre. Le civet cerf la donne à un deuxième menton. Le gâteau patate avec sauce chocolat et chantilly la cachette d'autre cuisse. Chaque lipide ingurgité la demande l'asile politique dans votre corps et il veut plus quitter à où. Ma fille, garde mon ventre, il faut m'y faire un régime, t'es. Alors là, si tel est votre souhait, on est na toute qualité régime pour déboucher aux bonnes artères aujourd'hui, madame. Ou peu décide de devenir une braise au vore ou juste réduit ou de consommation de pain bouchon gratiné. Mais depuis plusieurs mois, n'a un qualité forme, il commence tracasse à moi avec un nouveau régime à la mode, là. C'est le manger-boire ou le boire-manger, les boissons compléments alimentaires, là. Banne liquide avec le goût bizarre et pleine couleur d'un petit bouteille plastique. Les affaires, les censées combler tout banne besoin alimentaire. Chère madame, juste un truc. Mais votre tête l'a bloqué ? Des millions d'années d'évolution la donne à nous le dent pour mâcher et autres ils décident de boire, autres manger ? N'est-ce que deux qualités de monde n'a le droit de faire ça sur la terre. Un petit bébé tendre avec son biberon et un gramoun n'a plus le dent avec la mutuelle pochette un dentier. Le premier tantine la présente à moi le Naferte et défend à moi ça comme étant révolutionnaire. Il fait à moi un bien fou ou n'a pas idée. Mon corps est beaucoup plus sain, m'y perd des kilos à vue d'œil. Et m'y est même pas fatigué, dès que m'a fini mon bouteille, m'a pu faim. Ouais, alors ça c'était la première semaine, parce qu'au bout d'un mois avec son régime liquide, la figure de tantine la commence décomposée comme un pied flamboyant en hiver. Le fil, le midi, t'es gardou de pain américain en bavante et... comme Gilles Mallet dans le temps dans un magasin avec chemise à fleurs. Certes, il avait perdu 2 kilos, mais il avait aussi perdu 10 points de QI. Le cerveau t'es marche plus comme avant mama, le tantime t'es faible. Si c'est pour payer un affaire aussi cher et perdre de bonnes capacités intellectuelles, autant t'achètes un CD François Dals, il est aussi efficace et beaucoup moins cher. Bref, à un moment donné, t'es sans nous obligé de sauver le tifi avant qu'il te dégraine complètement. Pour pas perdre, tu abalis trop vite, nous la mixe un rougail la morue d'un blender pour donner un lit pour boire. Au bout de 3 jours, il y a commence, retrouve ses capacités, mais nous pense qu'il y gardera des séquelles. Conclusion, mesdames, avant de dépenser 200 euros d'un régime, commence par supprimer Ben Miroir Nana dans la salle de bain. Il coûtera à Zod beaucoup moins cher. C'est ce que je te dis, hein, chaque matin, arrête de te regarder dans ton téléphone portable. Mais est-ce que ça me parle, tout ce qu'il c'est dit ça. Tu es belle, tu es belle. Très, très belle. Sois confiante en toi, tu es belle. Oui, Dédé me fait un geste. Oh, oh. Tu es belle comme la planète. Ça va, comme oui. Comme une grosse planète. Hey. À tout de suite, sur Première d'un grand matin. Oh. Réunion Première, c'est la Radio Pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la Radio Pays. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Allez, 6h48, dans toute la Réunion, c'est le moment de se réveiller, puisque bah, la journée de vendredi, il faut bien la faire. Hein. Bah voilà. Oui, hein, ça va pas se faire tout seul. Prenez votre petit-déj, postez la photo sur notre page Facebook et repartez avec des cadeaux et peut-être une nuit à l'hôtel. Vous êtes sur la route peut-être en ce moment, bonne route à tous. Ah oui, prudence. Hein. Et puis si vous êtes à la case, profitez bien oui. De ces dernières minutes avant d'aller au travail. Ça même. Et pour ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, bande de vénards. Alors ? Allez, c'est grand matin, on vous accompagne jusqu'à 8h. Dans un instant, Cécile pour les Unes de la Presse. Voici Jane Makeba. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, cause you La petite franco-malgache Jane qu'on avait accueillie au Sakifo avec son titre Makeba. Et voici les unes de la presse à 6h51. On va commencer par celle du quotidien ce matin avec l'éclipse qui donne le sourire aux professionnels du tourisme, Cécile. 17% de clients en plus dans les hôtels et les gîtes, écrit le quotidien. C'est le boom touristique de l'éclipse. Autre titre, bagarre à Boucan-Canot, 4 personnes en garde à vue. Clash à la Cinor, Gironcelle se dit victime d'une machination politique. Demain, élection de Miss Réunion, 100 000 téléspectateurs attendus, écrit le quotidien. Travaux spectaculaires, Zourite se positionne à la grande chaloupe. Et puis 40 ans avec le quotidien, aujourd'hui en 1998, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Le cycliste Armand Henriette en une du journal de Lille. Oui, mais pas pour parler sport, Michael. Ils veulent fuir la carrière, écrit le Gire à Brapanon. Le cycliste préfère vendre sa maison familiale plutôt que de subir les nuisances. Un énorme projet de carrière sort de terre près de chez lui. Autre titre, Miss Réunion, Miss France, première reine de l'élection. Et puis meurtre à Lille, Sainte-Marie à Madagascar, 3000 personnes pour une marche blanche. Dans la presse nationale, une plage de sable blanc en une d'aujourd'hui en France. À quelques jours de la rentrée, le journal se lâche. L'été se prolonge en célibataire, écrit-il. De plus en plus de vacanciers partent en solo, certains n'hésitant pas à laisser conjoint et enfant pour quelques jours, quitte à trouver un compagnon de voyage sur Internet. Autre titre, interview de Didier Deschamps. On voulait me pousser à bout. Mais ça va. Le burkini, encore en une du Figaro. Valse contestée par ses ministres, la tension au sein du gouvernement provoquée par les arrêtés anti-burkini, arrêtés sur lesquels le Conseil d'État doit se pencher, a explosé au grand jour. Jeudi, Najat Vallaud-Belkacem a évoqué une dérive dangereuse pour la cohésion nationale avant de se faire reprendre par Manuel Valls. C'est une mauvaise interprétation des choses. Fin de citation. Autre titre, en difficulté, Trump tente de recentrer sa campagne. Les mauvais sondages se succèdent pour conquérir le terrain perdu. Le candidat républicain tempère son discours, improvise moins et concentre ses attaques sur Hillary Clinton. La situation en Syrie en une du Monde. L'offensive de l'armée turque marque un tournant dans la guerre, écrit le Monde. Il s'agit pour Ankara de stabiliser la frontière, d'écarter non seulement l'organisation État islamique, mais aussi les Kurdes. Le Monde qui s'intéresse aussi aujourd'hui à la rentrée littéraire et à la baisse encourageante du chômage. Deux visages en une de Libération. Celui de Sonia Riquiel, la fin de la femme nouvelle, titre Libé, Sonia Riquiel qui est morte hier. Et Michel Butor, la fin du nouveau roman, l'écrivain est lui aussi décédé hier. Autre titre, Le Monde selon Pikachu, Pokémon Go, le jeu lancé avec succès il y a un mois en France, modifie numériquement la réalité. Une technologie qui devrait chambouler la vie quotidienne dans les années à venir, commente Libé. Regardez les smartphones Disa. Et enfin, du football en une de L'Équipe. Avec le retour de l'équipe de France, le sélectionneur a fait des choix forts pour démarrer la phase de qualification à la Coupe du Monde 2018. Patrice Evra ne sera pas du déplacement en Biélorussie, à l'inverse de Levin Kurzawa. Retour du duo Fekir-Lacazette pour étoffer le secteur offensif. Je rajoute que Dimitri Payet est dans la liste des 23. Match à suivre le 6 septembre prochain en Ligue des Champions. Un tirage sur mesure, titre L'Équipe. Le sort a souri aux trois clubs français engagés en C1. Le Paris Saint-Germain est le favori de son groupe avec Arsenal. Lyon et Monaco peuvent eux aussi se qualifier pour les huitièmes de finale. On suivra ça. Oui, tout est dans la subtilité. Peuvent aussi se qualifier. On verra bien. Merci Cécile, à tout à l'heure. 7h pour le journal avec Stéphane Hillorac. Et comme Michael. Tous les matins, 6h54, c'est l'heure de l'appel réveil. Exactement. Et nous allons réveiller ce matin Mickaël Pouvin. Talent réunionnais. Réveillé, Mickaël. Allô, allô. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Le petit-déj, le petit, bah, ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Le petit-déj est pris, ça y est? Pas encore là. Pas encore. Eh bien, tu sais ce que tu veux. Ah, il fait un effort là pour nous. C'est bien. Pour nous. Hein. Merci, merci, Mickaël. Alors, tu sais ce que tu peux faire, c'est déjà poster ta photo de petit déjeuner sur la page Grand Matin. Bah oui. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Je ferai ça alors, sans problème. Bon, on y pensera aussi pour toi. Hein, si tu, toi, tu oublies, on va te le rappeler. On va te le rappeler. Alors, tu as fait le casting, ce fameux casting dont on parle depuis plusieurs jours. Ouais. Cette annonce, voilà. Disneyland Paris qui est venu chercher des recrues ici à La Réunion. Exact. Pour son parc. Notamment pour ces parcs, même à Paris. Nickel. Pourquoi tu l'as fait, ce casting, toi? Alors, moi, j'ai trouvé ça super. J'ai eu mon beau-frère qui m'avait envoyé le petit lien, comme quoi il y avait Disneyland Paris qui voulait recruter à La Réunion. Mmh. Ça m'a un petit peu surpris parce que j'avais jamais entendu ça. Donc, je me suis dit, ben, Disney, moi, ça m'a toujours fait rêver. Ça a toujours été vraiment un rêve d'enfant. En plus, Disney, ça a beaucoup contribué à me donner envie de chanter parce que ben, tous les génériques, enfin, tous les chansons des grands classiques, on les a tous connus, hein, que ce soit Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, si j'en passe. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. En plus, ce qui était proposé, c'était une expérience de 4 mois à peu près, donc un CDD. Donc, je me suis dit, ben, ça m'empêchera pas de faire mes projets à côté, mais si je peux m'envoler à Paris, avoir cette occasion-là, et puis d'aller vivre un petit peu le monde de Disney pendant 4 mois, donc pourquoi pas. Tu vois ça comme un rêve, comme beaucoup l'ont vécu, mais la réalité à Disney, elle est tout autre aussi, Mickaël. C'est pas tout à fait un rêve, forcément, de travailler pour Disneyland Paris. C'est pas si magique. Il y a aussi des difficultés. Oui, ben, il y a effectivement... J'ai un petit peu déchanté, genre. Ah, ouais. Parce qu'en fait, quand on fait les préparations pour les auditions, ils ont un petit peu parlé de quoi il serait question par la suite. Mmh. Et c'est vrai que ils ont beaucoup insisté sur le fait que, porter un costume, il fera forcément très chaud, même si nous on est habitué à des températures élevées, là c'est autre chose. Oui. Et du coup, moi j'attendais surtout qu'il parle de prince, de princesse, l'opportunité. Non, tout ça c'est pas ça. Ça n'a pas été le cas. C'est pas forcément. Non, voilà, là c'était un petit peu la désillusion. Je suis resté un petit bout de temps et puis je me suis dit, bon, à quel moment je m'en vais, parce que ils ont commencé. Alors on était tous dans une salle. Donc il y avait à peu près une centaine de candidats et puis ils ont commencé à nous demander de faire le cow-boy, faire le nain, faire le pirate, et je me suis dit, dans quoi je m'embarque, en fait c'est pas tout à fait ce que tu avais pensé au départ. Alors Mickaël, on va revenir un peu sur toi. Alors tu as fait cette comédie musicale La Jeunesse de Dracula, ça reprendra peut-être prochainement, Mickaël. Mickaël, parce qu'on est vraiment pressé par le temps, on est désolé. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors moi, La Jeunesse de Dracula, j'ai fait la première saison et je ne continue pas. Donc moi, je souhaite quand même beaucoup de chance et de succès à mes compagnons qui continuent. Donc ils seront bientôt au Capuc de Naye à Champfleury. J'ai pas les dates là, mais il faut juste vérifier ça sur la page. T'as fait Aladdin aussi dernièrement. Les Mille et Une Nuits. À la Nordève. C'était une très belle expérience pour les enfants, premier show pour les enfants pour ma part, et c'était vraiment top. Et il y avait cet album donc Karma qui est sorti en 2014. Tu sors un nouveau projet prochainement, ça y est, c'est d'actualité ou pas? Oui, alors là on retourne en studio très bientôt, il y a des choses qui arrivent, il faut être un petit peu patient, mais on prend du temps pour faire les choses bien, donc voilà, restez connectés en tout cas. Eh ben, écoute, on suivra ça avec beaucoup d'impatience et puis, de toute façon, beaucoup d'attention. Merci, Mickaël. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci de s'être réveillé avec nous. À très bientôt. De t'être réveillé avec nous. Merci, Mickaël. Allez, on file sur les routes tout de suite. Vous êtes au niveau de Canon, Yves. Oui, il y a du trafic, bien entendu, sur le front de mer d'un côté, sur la rue Léopold-Rambaud de l'autre. Pour le moment, vous roulez encore correctement sur le Lancastel. Vous l'avez constaté, hein, donc depuis la rentrée, il y a des ralentissements également qui se forment sur Lancastel. Généralement, ça se met en place vers 8h moins le quart, 8h, et ça reste d'actualité jusqu'à 9h. On verra comment ça va se passer ce matin, parce qu'il y a quand même un peu moins de trafic. Ça se voit notamment dans l'ouest avec des ralentissements qui se situent sous la tranchée couverte de Saint-Paul. Il y aura le virage du gouffre, parce qu'il y a aussi l'effet soleil, donc bien présent, et donc éblouissement. Le véhicule avec la personne qui a fait ce malaise tôt ce matin est toujours arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il ne gêne pas. Et puis, vous êtes ralenti sur le pont Vinsan et la tranchée couverte côté montagne, c'est une entrée ouest sur le boulevard sud, un peu encombré. Côté est, les difficultés, toujours Marine jusqu'au plateau de la Mare, ça roule un peu mieux entre du parc jusqu'au front de mer. Rendez-vous tout à l'heure, Yves, pour un nouveau point sur la route. 7h sur la première. journal de la rédaction présenté par Stéphane Henny-Laurac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Premier débarquement à Pierrefonds cet après-midi pour Madagascar Airways. La toute jeune compagnie aérienne malgache va mettre en place un vol hebdomadaire entre nos deux îles. Aller-retour annoncé à partir de 200 euros. Attention à vos voitures si vous les garez à proximité des sentiers de randonnée. Plusieurs actes de vandalisme ont été signalés ces dernières semaines. Hier, c'était à Salazy, non loin du col des Bœufs. Parmi les victimes, un policier qui, vous l'entendrez, a commencé à mener son enquête. Une ville au climat sec, mais pourtant verte, la députée Huguette Bello salue l'exemple de la ville du Port et de sa pépinière municipale. Une pépinière qui s'est engagée le mois dernier à soutenir le parc national dans le reboisement de nos forêts avec des espèces endémiques. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit Erika Barrett, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. L'aéroport de Pierrefonds accueille donc cet après-midi le vol inaugural de Madagascar Airways entre Madagascar et notre île. Une liaison qui devrait être ensuite assurée une fois par semaine par la jeune compagnie malgache. À l'intérieur de ce premier avion, pas de véritables voyageurs, mais du personnel et des responsables. Ils dévoileront la stratégie commerciale de la compagnie aérienne lors d'une conférence de presse prévue après l'atterrissage. Les précisions de Sophie Persson. À 13h20, l'avion d'Air Madagascar Airways atterrira à l'aéroport de Pierrefonds avec à son bord des personnels techniques et commerciaux, mais pas encore de touristes. L'avion repartira à vide à 14h20 et puis à partir de la semaine prochaine, les vols commerciaux vont là débuter. Pour le moment, il est possible de réserver sur le site internet de la compagnie. L'aller-retour est à partir de 200 euros entre Pierrefonds et Sainte-Marie. Mais les billets seront bientôt en vente également à La Réunion. C'est ce que la compagnie devrait annoncer lors de sa conférence de presse. Pour le patron de Madagascar Airways, il y a un marché potentiel à partir du sud. Il espère aussi capter ceux qui prenaient des vols intérieurs à Madagascar pour se rendre à Sainte-Marie et qui pourront donc s'y rendre directement désormais. L'avion qui va assurer cette liaison ne transportera que 30 passagers maximum. Sophie Persson. C'est de la publicité dont le tourisme pays se passerait bien avec donc cette mauvaise surprise hier pour des randonneurs de retour de Mafate. Le groupe, composé notamment de plusieurs policiers, a retrouvé les pneus d'une dizaine de véhicules crevés et des véhicules garés à proximité du col des Bœufs sur des emplacements non surveillés. Ce qui est inquiétant, c'est que cela ne semble pas être un acte isolé. Et depuis plusieurs mois, en effet, plusieurs actes de vandalisme sont signalés sur des parkings gratuits au départ de sentiers de randonnée. Bernard, l'un des policiers randonneur, a d'ailleurs sa petite idée sur l'identité de l'auteur présumé des faits. Il l'a dit au téléphone de Karl Sivat. Moi, ce que je sais, c'est que il y a environ un mois, à Belouve, c'était pareil. Une vingtaine de voitures ont eu tous les pneus crevés. Nous, on a deux pneus de percés. C'est fait exprès parce que si on échange un avec la route de secours, mais avec le deuxième, on peut pas. Alors que là, c'est pas possible. Bon, on soupçonne fortement qui c'est, mais bon, on peut pas le dire parce que on n'est pas sûr, quoi. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être des indications pour vos collègues ou pour la gendarmerie, alors ? Ben, éventuellement, oui, mais après, encore faut-il le prouver, et ça, c'est pas évident. C'est un endroit isolé, et il y a un parking payant qui n'est pas loin, et puis, bon, ben, nous, on se garde dehors. Apparemment, d'après Léon dit, ça se produit régulièrement. Des propos recueillis par Karl Sivat. Autre expression d'un ras-le-bol. Et là aussi, ça commence à devenir une habitude. Quelques chefs d'entreprise indépendants se sont encore retrouvés hier au siège du RSI. Leur régime de sécurité sociale et de retraite. Ils étaient une dizaine, effarés par les montants qui leur sont réclamés, souvent en dizaines de milliers d'euros. Parfois, il s'agit d'un cumul après plusieurs années passées sans règlement. Mais même observer annuellement les cotisations réclamées à ces petits chefs d'entreprise leur paraissent démesurés. Désiré Waro est l'un de ceux qui étaient au siège du RSI au Moufia hier. Je suis venu faire un calcul. Ben, à ce jour, avec des estimations, on me demande 89 000 euros. C'est-à-dire plus de 70% de ce que je gagne. Donc, comment dire, moi, je ne peux pas payer 70% en termes de sécurité sociale. Et puis, ces indemnités journalières qui ont un montant de 49 euros, on se demande à quoi ça sert de cotiser le RSI. Et quand j'arrive à poser des questions, quelle sera ma retraite un jour, on me dit ben, entre 150 et 180 euros par mois, entre rien et rien. Voilà. Donc je préfère ne rien payer. Et si j'avais la possibilité de payer cette somme-là aussi, notamment, eh ben, je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Pas de crainte d'être poursuivi? Ben, je suis déjà poursuivi. Ben, j'attends pour te dire qu'on peut te faire.

Dilma Rousseff est accusée de maquillage de compte public. Le constructeur Volkswagen et 650 concessionnaires des États-Unis ont trouvé un accord d'indemnisation. Les deux parties avaient rendez-vous hier devant un tribunal de San Francisco après le Dieselgate et le trucage des contrôles anti-pollution. Cet accord doit être validé par la justice américaine, faute de quoi un procès pourrait avoir lieu l'été prochain. Ce sera Arsenal, le gros morceau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens plutôt bien lotis par le tirage au sort. Ils affronteront également le FC Bâle et le petit poussé bulgare Ludogorets. Ce sera plus compliqué en revanche pour Lyon, opposé notamment à la Juventus de Turin et le FC Séville. De son côté, Monaco tombe avec Tottenham, le Bayer Leverkusen et le SC SKA Moscou. Début de la compétition les 13 et 14 septembre prochains. Eux ne jouent pas la Ligue des Champions cette saison et doivent se contenter de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit Lorient ce soir pour le premier match de la troisième journée. 7h11 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Michael, c'est le calme avant la tempête. Oui, ce matin, on se réveille sous une certaine fraîcheur. 3 à 13 degrés dans les hauts, 16 à 19 sur le littoral, mais avec du soleil. Le soleil qui va s'imposer une bonne partie de la matinée. Puis les nuages vont, eux, venir jouer les troubles faits en cours d'après-midi, même en cours de journée, hein, dès d'ailleurs la fin de matinée sur les hauteurs du nord, notamment, et les plaines de l'est, pouvant lâcher par endroits quelques averses. Globalement, le ciel sera plus nuageux cet après-midi, mais en allant vers le sud, on retrouvera de belles éclaircies, ce qui ne va pas forcément être le cas ce week-end, puisque la houle va arriver déjà dès aujourd'hui dans l'ouest et le sud, avec 2 mètres environ, 2,50 mètres sur le sud sauvage même, 5 mètres donc pour les vagues les plus hautes, donc soyez prudents si vous prenez la mer, si vous êtes près de la mer. Et puis samedi, cela va vraiment changer, donc demain, le temps est en train de changer aujourd'hui, le vent de sud va s'installer avec des rafales à 70-80 km/h sur la pointe des trois bassins, donc là, ça va souffler, et puis la houle va, elle, atteindre 3 mètres demain en moyenne, elle va dépasser ces 3 mètres dimanche avec un pic de houle qui pour atteindre 4 mètres, donc 8 mètres pour les plus hautes. Et la pluie va s'inviter dans la nuit de samedi à dimanche. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, le front froid va arriver plus tôt et la pluie va intéresser la côte sud du département. Bref, un week-end vraiment bien pourri. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Vous êtes à Sainte-Clotilde, Yves. Et avec une circulation avant correct, il y a un peu de monde sur le TCSP, donc l'avenue Le Pont de Lille, la circulation encore à peu près correcte sur le boulevard sud, mais en se rapprochant de Champfleury, c'est un peu plus dense, tout comme la descente également vers entre Futura et la route Digue. La circulation est ralentie d'ailleurs sous le tube côté montagne, moitié tube côté mer et tout le pont Vinsane qui reste encombré. Pour la route du littoral, plus de difficultés. Hein, vous êtes coincé à partir de la Grande Chaloupe et même avant la Grande Chaloupe, presque un kilomètre avant. Donc attention. Vigilance sur cette partie de la route du littoral. Côté ouest, fin de route Tamarin, c'est juste après l'échangeur de Plateau Caillou, donc quand même un peu moins de monde qu'en début de semaine, mais ça reste quand même assez dense, y compris dans les rampes. Par contre, au niveau du passage Grand Fond-Boucan, Grand Fond, c'est encore fluide. Boucan, quelques petites difficultés juste après le Cap Champagne en raison du soleil qui est présent. Attention, donc l'entrée est de Saint-Denis maintenant, donc ralentie depuis la sortie de Sainte-Suzanne, puisque ça roule à la Marine, et des difficultés de circulation qui vont quasiment jusqu'au front de mer de Saint-Denis. Il y a une petite zone roulante vers Gillot simplement. Attention aux travaux de purge, ils reprennent à la fois du côté de Dillette-Alcide sur la route de Sillaos à partir de 8h30 avec des coupures de 45 minutes, mais également au niveau des rampes de Basse-Vallée. Soyez patients là-bas, 45 minutes, 7h30 à 15h30. Rendez-vous avant 7h30 pour un nouveau point trafic. Merci Yves. Réunion première, le son de l'océan Indien. Réunion première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et il est 7h15 sur Réunion Première. Et comme d'habitude, comme chaque matin, du lundi au vendredi avec Philippe Dornier, c'est l'invité de Grand Matin à suivre. D'ailleurs sur internet, réunionpourlapremière.fr. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et vous recevez ce matin Erika Baretsch, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle et conseillère municipale de Saint-Denis. Erika Baretsch, bonjour. Bonjour. Votre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation sur internet. Alors vous donnez la parole aux 2 750 000 Français qui vivent outre-mer depuis plus de 3 semaines maintenant. Je suis allé sur le site ce matin, on en est à 612 participants. Est-ce qu'on peut parler d'un flop ? Non, il faut continuer à inciter à la consultation. On l'avait déjà fait pour égalité et citoyenneté, sur la loi égalité et citoyenneté. Avec quel résultat ? Avec un résultat qui était correct. Les gens sont venus, mais c'est vrai qu'il faut il faut faire cet effort-là, parce que c'est un vrai effort d'aller sur Internet, réfléchir, faire des propositions. Mais c'est important, parce que si on veut participer aux choses, c'est aussi une façon de faire. Voilà. Il y a la façon de faire où ces représentants sont à l'Assemblée nationale et vont faire le débat. Ça, c'est le travail qui s'ouvre devant nous. Et puis, il y a le citoyen qui a envie aussi de dire ce qu'il pense et de proposer. Et je sais qu'il y a beaucoup de propositions. Il y en a qui ont envie de participer. Donc, c'est le moment de le faire. Mais Internet, tout le monde n'y a pas accès. Qu'est-ce vrai. Que vous dites à ceux qui parlent d'une inégalité face à cette démarche, ce qui serait un paradoxe pour le coup ? Oui, enfin, il y aura toujours de on peut toujours critiquer, mais on peut toujours relever que la volonté y est, la volonté de faire participer le plus possible. Et puis il y a des moyens collectifs. Hein, je pense aux associations. Je pense qu'on peut aussi dans les quartiers ou sur le mode associatif se réunir, discuter, utiliser l'outil informatique qu'on peut avoir à disposition et participer. L'important, c'est de se dire j'ai envie de participer, j'ai envie de dire mon mot aussi à moi, j'ai envie de proposer une idée, c'est important. Moi, je crois que c'est un acte citoyen qui est important. Alors, écoutez ce qu'en pensent quelques personnes que nous avons interrogées, et puis vous pourrez réagir juste après. Je n'ai pas encore vu quelle était la forme du document proposé sur le site. Maintenant, effectivement, bah, ça m'intéresse d'y participer. J'irai me renseigner là-dessus. Ça vous fait semblant, ça, pour bouche le yeux de moune. Ils demandent à nous de la vie à chaque fois et ben, jamais les pris en considération, comme la loi El Khomri, là. Et ils demandent à où, mais s'il y a envie de faire, là, ben, il va faire même. C'est très bien, parce qu'il pourra donner tous les avis possibles. Je pense qu'il est à l'agonie, il a lancé un truc qu'il ne maîtrise pas et finalement, il ne sait pas dans quelle direction partir. Donc, il va demander à la population de prendre parti. Bon, faut pas être naïf. Des témoignages recueillis par Priscilla Etève, qu'est-ce que ça vous inspire, Madame la Ministre ? Non, il y a ceux qui sont toujours dans une position positive pour participer. C'est ça qui compte. Je crois qu'il faut retenir cet axe-là. Et puis l'essentiel, c'est vraiment le travail collectif, le travail qui est fait par le citoyen et qui peut apporter sa vision. Et puis après, il y a aussi le travail qui va être fait par les députés et les sénateurs. Et ça, c'est le débat parlementaire. Voilà, donc c'est important de mettre ensemble ces deux approches. Mais vous entendez que les avis positifs, vous ne voulez pas entendre les autres, en tenir compte ? Si. Vous leur parlez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je suis très, très, très à l'écoute de critiques qui peuvent être constructives. Non, c'est notre rôle, c'est important. Mais si les gens disent en amont, sans avoir vérifié, moi, je ne veux pas participer parce que je n'y crois pas, voilà, c'est juste leur avis à eux. Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le site Égalité réelle Outre-mer, je précise qu'il y a 4 onglets, définition, indicateur et action, égalité réelle et moi, et puis égalité réelle en action. Est-ce que c'est pas un petit peu abstrait quand on y va comme ça parle pas vraiment aux gens ? Oui, je crois que cette idée d'égalité réelle mérite qu'on s'y attarde. Vous pensez que les gens l'ont vraiment comprise ? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je crois qu'il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut continuer à travailler là-dessus. Alors comment on peut la définir, l'égalité réelle, de façon simple ? C'est assez simple finalement, à condition de se dire en amont qu'il y a des problèmes d'égalité. Entre la métropole et l'outre-mer ? Il y a des problèmes d'égalité dans la République, d'abord. Si on se dit ça, on a déjà avancé. Ensuite, on peut se dire la deuxième chose, c'est que nous sommes différents les uns les autres. Il y a des grands, des plus petits, des gens de couleurs différentes, issus de milieux socio-économiques différents, et que ces éléments-là personnes qui sont handicapées, enfin voilà, il y a physique ou mentale, enfin chacun, nous avons nos vies, nous avons nos particularités. Et à partir du moment où on dit ça, on comprend tout de suite qu'une loi qui est faite pour tous, sans regarder les particularités de chacun, on comprend bien que la loi, le règlement, la décision, elle n'est pas adaptée pour tous. Et le travail sur l'égalité réelle, c'est de se dire, mais puisque il y a certaines personnes qui, du fait de leur origine sociale, leur naissance, leur lieu de vie, comme les Outre-mer, mais aussi ceux qui habitent dans les territoires ruraux, sont plus éloignés, n'ont pas accès à tout. Donc la République est très loin d'eux, même si on fait des lois. Mais si je fais des lois, je fais pour le plus grand nombre et l'exception. Que fait-on de l'exception ? Elle reste jamais, elle reste en dehors de tout ça. Donc c'est assez abstrait. Mais je peux prendre un exemple très concret. Par exemple, monsieur Dornier, je ne suis pas très très grande. Vous êtes plus grand que moi. Ça, c'est... Si on nous demande de toucher le plafond, voyez, et si on vous donne... Votre projet ne va pas changer ça. Si, il peut changer. Parce que si on vous donne, et à moi, le même outil... Vous toucherez parce que vous êtes grand, cette table. Moi, je vais monter sur la même table et je ne toucherai pas. Vous voyez ? Parce que je suis plus petite. Mais si on me donne des moyens différents, si on me donne un peu plus, je pourrai toucher. Ça veut dire que l'égalité réelle, c'est ouvrir les possibilités pour ceux qui se disent « ça n'est pas possible pour moi ». C'est ce qu'on fait quand on fait l'éducation prioritaire. C'est de l'égalité réelle. On va atteindre ceux qui sont le plus éloignés, ceux qui ont besoin plus d'attention. Je prends un autre exemple. Quand on met plus de professeurs de l'école, c'est pour emmener ces enfants-là qui sont le plus éloignés de l'école pour qu'ils réussissent. Un exemple d'actualité à Cabaretch. Une loi sur l'égalité réelle, c'est clair. Est-ce que ça a été clair ? Une loi sur l'égalité réelle. Est-ce que ça va éviter des couacs comme ceux que rencontre l'ADOM? Il y a 1200 étudiants réunionnais qui veulent poursuivre leurs études en métropole, qui n'ont pas pu partir à la date souhaitée, ou alors avec beaucoup de stress, tout ça à cause de problèmes de paperasse. Vraiment, monsieur Dornier, vous avez une qualité professionnelle que je salue. C'est un exemple concret. Mais ça n'a rien à voir avec l'égalité réelle, vous voyez. C'est un exemple concret pour des jeunes qui veulent partir. Non, il y a un dispositif où il y a un dysfonctionnement. Et moi, je le regrette. Et je regrette surtout que la direction n'ait pas signalé en amont ce problème-là. Parce que quand l'État arrive et que le préfet intervient là-dessus, les choses sont débloquées. Ça, c'est un dysfonctionnement d'un logiciel informatique. Très regrettable parce que derrière, il y a des grosses difficultés après pour les familles et les jeunes gens. Mais ça n'est pas l'égalité réelle. Alors, je prends ça un autre n'est pas exemple. Cette égalité réelle. La continuité territoriale, ça c'est dans le champ d'application de l'égalité réelle. Cette continuité territoriale, telle que la région la propose désormais, c'est-à-dire aussi bien dans le sens Paris-Réunion que Réunion-Paris, est-ce que ça répond à une exigence d'égalité réelle ? Il y a une exigence de la mobilité sur tous les territoires de France et y compris ici. C'est-à-dire qu'il y a un souci de savoir comment est-ce qu'on peut, parce qu'il y a une grande inégalité quand les gens ne peuvent pas circuler, mais je pense aussi aux gens qui sont dans les territoires éloignés, dans les Hautes de Saint-Denis, Saint-Paul, etc. Donc il faut pouvoir avoir cette mobilité. Donc il faut avoir des réponses. Chacun essaie d'apporter la réponse la plus adaptée par rapport à ce sujet. Et c'est bien parce qu'on y réfléchit, on peut avancer. Mais il faut aussi se dire comment est-ce qu'on peut, en amont, s'interroger, par exemple, sur le prix des billets d'avion. Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut se déplacer aussi dans la grande zone océan Indien. Nous avons l'Afrique, nous avons l'Asie. Comment nous pouvons nous déplacer ? Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est aussi de savoir comment est-ce que demain, la Réunion commerce mieux avec l'Afrique, avec l'Asie. Parce que notre avenir économique, humain, de développement économique, de développement humain, c'est la zone océan Indien. Quand vous dites aux chefs d'entreprise « allez développer vos activités économiques avec le Mozambique », il faut y aller au Mozambique hein, quand même. Hein. Et pour développer l'activité économique, il faut d'abord avoir des contacts humains avec les gens, il faut les connaître, il faut parler avec eux. Et ça, c'est pas une fois, c'est 10 fois que vous prenez l'avion. Donc vous voyez par exemple ce sujet de la mobilité, ce sujet de comment sommes-nous mobiles dans l'espace, est un vrai sujet. Il faut le traiter beaucoup plus globalement parce qu'il implique effectivement derrière un projet de société. Comment construisons la Réunion de demain? C'est ça le sujet de la Je vais rebondir sur la coopération régionale, puisque vous parlez d'échanges avec la zone. Il y a quelques-uns qui s'inquiètent sur le fond du projet de loi. Un texte qui remettrait en cause des dispositifs essentiels. En Guadeloupe, par exemple, la CGT dénonce des menaces sur la surrémunération des fonctionnaires, l'abattement fiscal, et j'y viens, sur le SMIC, avec une éventuelle régionalisation du SMIC. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous confirmez que c'est un projet? Non, ça c'est dans le rapport de Victorin Lurel. Il y a le rapport de Victorin Lurel. Est-ce que ça peut intégrer, lors de la discussion parlementaire, puisque ce n'est pas dans le projet de loi au départ? Ce n'est pas dans le projet de loi. Qu'on soit très clair. Y être intégré. N'ouvrons pas, s'il vous plaît, sur des sujets compliqués, s'il vous plaît. N'ouvrons pas des polémiques qui n'existent pas. Ce sont des syndicalistes de Guadeloupe. Ce sont des syndicats de Guadeloupe. Je ne sais pas dans quelles circonstances. CGTG. Moi, je l'ai fait un communiqué que vous avez reçu il y a 3 ou 4 mois, mais peut-être un peu plus. Un communiqué très clair où le gouvernement dit il n'y a pas de sujet sur cette proposition de la surrémunération qui est dans le rapport de Victorin Lurel. Il n'y a pas de sujet. Ce serait une erreur. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Ce serait une erreur économique, sociale bien sûr, économique, de s'attaquer à la surrémunération aujourd'hui dans un pays où nous avons encore la moitié de la population, un peu moins, qui vit sous le seuil de pauvreté. Si nous voulons relancer l'économie, si nous voulons avancer, il faut que la richesse soit présente et l'apport de la surrémunération est un apport de richesse. Donc ce n'est pas l'heure du tout. On va terminer très rapidement sur une question d'actualité. Maurice Gironcel accuse la Cité des Arts d'avoir embauché son accusatrice, la femme qui a porté plainte contre le maire de Sainte-Suzanne pour achat de voix. Vous êtes conseillère municipale de Saint-Denis, est-ce que vous confirmez ce recrutement? Je vois pas trop le sujet, mais si c'est un... Le sujet, c'est celui-là. Bon, je sais pas si c'est une bonne... Est-ce qu'elle a été recrutée ou... Je connais pas, vraiment, je connais pas le sujet. D'abord, je suis pas conseillère communautaire, mais si cette personne est un bon professionnel... Ah, mais la Cité des Arts est à Saint-Denis, c'est pour ça aussi que je vous pose la question, vous l'avez inaugurée. Si c'est une bonne professionnelle qu'elle a postulée... Que Maurice Gironcel l'accuse un recrutement pour service rendu, voilà. Est-ce que c'est politique? Je laisse Maurice Gironcel faire ses commentaires sur ces sujets-là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas les sujets qui intéressent les Réunionnais. Il faut parler de l'éducation de leurs enfants. Parlons de comment on continue à soutenir les entreprises. Parlons de tous ces sujets qui sont difficiles. Franchement, c'est très difficile. Donc, il faut que chacun nous soyons concentrés sur cette tâche-là pour avancer. Les gens ont envie d'avancer. J'ai envie d'avancer sur ce projet de loi. Nous allons travailler d'arrache-pied, et nous allons avancer sur ce sujet de l'égalité réelle, parce que l'égalité, c'est vraiment le sujet qui a été le combat de l'ensemble des Outre-mer depuis 1946. 70 ans après, on continue ce combat. Allons le faire, ce combat, c'est celui qui nous tient au corps et qui va concentrer notre énergie sur les prochains mois. Erika Barich, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci. C'était l'invité Grand Matin, Erika Barich, secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle et conseillère municipale de Saint-Denis. 7h28 dans toute la Réunion. Isabelle rappelle les pronostics ce matin, ceux de Pascal Maillot et du Fouineur. Exactement, pour le quintet de ce soir à Cabourg, prix de l'Académie internationale du cheval, du Haras du Pin, départ prévu 19h47. Pascal Maillot vous conseille le 8, le 12, le 7, le 3, le 15, le 4, le 14 et le 6. 8, 12, 7, 3, 15, 4, 14, 6. En cas de non partant, le 11. Pronostic du Fouineur du GIR partenaire Réunion Première, 7, 8, 15, 6, 12, 3, 14 et 4. N'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Une minute avant 7h30, on rejoint Yves Gruyé sur les routes au boulevard du Chaudron. Bonjour Yves. Ça roule sur le boulevard, ça roule encore au giratoire 4J, pas trop de difficultés pour rejoindre l'échangeur du Chaudron. Par contre, toute l'entrée est bien ralentie, il y a peu de zones roulantes depuis la ravine des Chèvres. Donc là, c'est un peu compliqué. Par contre, bonne nouvelle, ça s'est déjà un peu résorbé sur la route du Toral, même bien, puisque on était tout à l'heure encore avant la grande chaloupe. Et là, c'est revenu à hauteur des Potences, allez, 500 mètres avant les Potences, avant d'arriver sur Saint-Louis, donc moins de 2 km avant le carrefour avec la route de la montagne. Le pont Vincennes reste encore encombré et la tranchée côté montagne également. Et puis côté ouest, ça se maintient juste avant la tranchée couverte, après l'échangeur de plateau cailloux. Ça roulait encore sur grand fond, mais attention, on arrive vers l'heure de pointe. Vous le savez, 7h30, 8h, là c'est un peu plus difficile. Pour le moment, c'est encore, le passage est encore plutôt facile pour atteindre donc une zone qui est un petit peu encombrée dans le virage de Boucan. Voilà, donc pour la circulation pour le sud, pas de difficulté. Ça roule dans la descente du tampon. Rejoindre Saint-Pierre depuis Saint-Louis, pas trop de problème. Attention aux véhicules lents par contre. Et puis côté est, ça roule également. Fin de 4 voies à Saint-Benoît. Voilà, petit vendredi ce matin. Prudence sur le réseau routier, 7h30. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. On revient ce matin sur les dangers du monoxyde de carbone. Un accident a fait un mort, une jeune enfant, samedi dernier à Saint-Paul. Accident avec un chauffe-eau à gaz. Les étudiants se ruent à la Dôme pour retirer leurs billets d'avion. Les billets sont délivrés même si les dossiers sont incomplets. Reportage dans ce journal. Le RSI ne passe pas. Le régime social des indépendants continue de cristalliser la colère de ses adhérents. Ils étaient une dizaine hier à se rassembler devant le siège du RSI au Moufia. Nous entendrons le témoignage de Fred, chef d'entreprise. Et puis le porc protège les abeilles. Un rucher est niché dans la pépinière de la ville. On vous y emmène à la fin de cette édition. C'est un danger qui est souvent associé au chauffage d'appoint que l'on utilise ici ou en métropole durant l'hiver. L'intoxication au monoxyde de carbone fait de nombreuses victimes car ce gaz qui se dégage lors d'une mauvaise combustion est inodore mais mortel. Samedi dernier au Guillaume-Saint-Paul, deux enfants ont été intoxiqués. Une adolescente de 15 ans qui a pu être sauvée et sa petite sœur de 3 ans qui, elle, n'a pas survécu. Elles ont été intoxiquées à gaz installé récemment en complément du chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau qui n'aurait pas dû se trouver dans une pièce fermée. Mais Bruce Régent. La vente de ces chauffe-eau à gaz n'est pas complètement interdite. Vous pouvez encore en trouver dans quelques magasins et même dans de grandes enseignes. Mais les vendeurs ont pris l'habitude d'alerter les clients en leur demandant d'abord « Vous allez le placer où ?» Et très vite, ils préviennent « Pas dans la salle de bain, il faut une pièce ventilée. » Le risque d'intoxication est presque toujours évoqué. Même si, à La Réunion, certains revendeurs n'insistent pas trop et se contentent d'assurer qu'en même temps que l'appareil, ils délivrent une charte de bonne installation. Car il faut bien le dire, les installateurs professionnels sont devenus introuvables. Les plombiers ne veulent plus prendre cette responsabilité. Pas de réparation non plus. La plupart des spécialistes trouvent que les pièces de ces chauffe-eau à l'ancienne sont devenues trop difficiles à trouver. Beaucoup incitent donc au remplacement par des équipements électriques, moins chers à l'achat, même s'ils le sont un peu plus à l'usage. Enfin, quelques professionnels vous invitent très honnêtement à prendre contact avec votre assureur, certains qu'il vous dissuadera, lui, de vous lancer vous-même dans ce genre d'installation désuète. Bruce Régent. En bref, qui vandalise les voitures? Des randonneurs. Les actes se répètent sur les parkings gratuits au départ des sentiers. Pas de vol, pas de vitres cassées, mais pour certains, les quatre pneus crevés. Quand ça arrive à Belouve ou au col des Bœufs, eh bien on imagine combien il est difficile de repartir ou combien coûte un tour de dépanneuse. Hier, ce sont des randonneurs à Mafate qui ont eu la mauvaise surprise. Un groupe qui compte parmi les personnes là, des policiers. Un passeport pour la réussite avec pour objectif des jeunes mieux informés, mieux orientés et mieux soutenus dans leur parcours. C'est l'un des 7 piliers du projet de la nouvelle mandature de Didier Robert. Le président de région était en visite au lycée hôtelier de Plateau-Cailloux hier. L'établissement est en chantier depuis plusieurs mois. Nouvel internat, nouveaux ateliers, nouvelle salle commune. Les travaux en plusieurs phases seront complètement terminés d'ici 3 à 4 ans. Des rénovations bienvenues selon le proviseur Philippe Baptiste. Travailler dans de meilleures conditions, ce sera encore mieux. Le proviseur qui est déjà satisfait des résultats des élèves. Quand je compare notre établissement avec les cathédrales que sont les lycées hôteliers de métropole, je dis que nous, on est une chapelle, mais c'est une chapelle avec des moyens humains d'une qualité considérable. Ce qui fait la différence et qui nous permet d'obtenir de très très bons résultats aux différents examens. C'est du 100% en BTS, c'est du 92% en bac technologique, c'est des 100% dans certaines spécialités.

Simon. Il y a assez de taxis, mais il y a trop de taxis Bruce là, qui font que les zones de l'aéroport là-bas, pratiquement. Ça manque sérieusement de taxis ville pour les gens qui veulent circuler en ville ou aller dans les magasins. Ça, c'est toujours un problème, mais faudrait y remédier en fait. Et parce que les bonnes choses ont toujours une fin, avec la fin des vacances, les chauffeurs de taxi espèrent de nouveau tirer leur épingle du jeu dans quelques semaines avec l'arrivée des pèlerins. Ibrahim Yahia de Mayotte première. C'est la journée mondiale du chien aujourd'hui. On est gentil avec ses toutous. Un autre animal, l'abeille, mérite notre attention. La ville du port s'engage pour les protéger. C'est d'ailleurs la seule ville ultramarine à avoir adhéré au programme national Abeille Sentinelle de l'Environnement lancé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Objectif, sauvegarder l'espèce au niveau mondial et faire connaître son rôle essentiel dans le maintien et le développement de la biodiversité. Le rucher se trouve dans la pépinière du port qui vient de signer un partenariat avec le parc national, elle accueillera des plantes endémiques. François Payette, président du syndicat apicole de La Réunion. On a choisi ce lieu parce que tout le monde sait que les abeilles et les plantes vivent une histoire d'amour depuis des millions d'années. Et malheureusement, cette histoire d'amour risque de mal se terminer, je le dis, par la folie des hommes, par l'usage des pesticides de manière intensive. On voit des millions d'abeilles meurent chaque jour à travers le monde. Si l'abeille disparaissait, on aurait quand même beaucoup de mal à survivre. Parce que notre alimentation, elle vient en grande partie des plantes. Et des plantes, pour en avoir, il faut des fleurs, il faut des graines. Pour avoir des graines, il faut que les fleurs soient pollinisées. À La Réunion, on a la chance d'être encore un petit peu épargné. Et donc la ville du port s'est engagé depuis 2010 à ne plus utiliser de pesticides, donc zéro pesticide sur la ville du port. Donc c'est quand même un engagement fort, remarquable et un exemple pour les autres collectivités qui commencent à être suivies d'ailleurs. François Payette, président du syndicat apicole de La Réunion, il répondait à Stéphane Enilorac. Merci Cécile. Et puis bon week-end, on peut vous dire. Merci, bon week-end. Cette semaine est passée encore vite avec vous. Ah oui, ça passe très vite. Quand on s'amuse. C'est ça. On se retrouve lundi. Voilà. Bah oui, il n'y a pas de souci. Bon week-end à vous. Vous allez nous manquer, Cécile. Plus tard. On va à la plage samedi. 7h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Non, on n'ira pas à la plage. Non, pas de plage, trop de vent. Samedi et dimanche, surtout dimanche. Oh. Et la houle. C'est pas Scrabble. Cécile, pas Scrabble, ok. Allez, pourquoi pas, à Salazie. Ou dans l'Est, allez. Ma chère Isa, bon, d'ici là, c'est bleu, la... vendredi. Bon, là, ça va. Ciel bleu derrière nous, dégagé. Des températures fraîches ce matin, mais qui vont augmenter cet après-midi. On attendra 26-27 degrés sur les plages, 12-13 degrés au volcan sous les nuages, puisque les hauts vont se charger en nuages, surtout les hauteurs du nord et les plaines de l'est, et pourquoi pas une ou deux averses cet après-midi. Le littoral, lui, conservera des éclaircies, surtout en allant vers le sud. Tout cela est de courte durée, puisque le week-end va être beaucoup plus mitigé, avec de la houle qui va arriver déjà dès aujourd'hui, 2,50 m de vague en moyenne. Elle va grossir, cette houle, sur l'ensemble du week-end, avec un pic certainement en fin de journée de dimanche. Les vagues vont dépasser les 4 mètres en moyenne, et pour les plus hautes, donc plus de 8 mètres, certainement, donc un avis de forte houle qui pourrait être émis par Météo France, voire une vigilance. On verra ce qu'il en est dans les prochaines heures. Et puis en plus de la houle, le vent qui va s'inviter sur les plages, 90 km/h en rafale le dimanche, des nuages dans le sud qui pourraient donner des averses dans la nuit de samedi à dimanche, tout va bien. Ailleurs, ça sera du soleil, mais il y aura tellement de vent. C'est ça. Qu'on ne pourra pas forcément profiter des plages, notamment. Et puis du côté de l'Est, c'est pareil. On atteint des pointes 70-80 km/h du côté du Piton Sainte-Rose. Donc, ce n'est pas le week-end le plus fabuleux, le plus heureux qu'on pourrait souhaiter. Venteux ou le plus vieux. Retenez tout ça va bien. Pour ce week-end. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Yves Gruyer, vous êtes au stade Jean-Yvoula. Oui, stade de l'Est, une circulation correcte pour sortir de Saint-Denis vers l'Est. Alors attention, ça commence à ralentir un petit peu quand même plus sur le front de mer des deux canons et alors pas encore de conséquences sur le Lancastel encore à cette heure-ci, c'est pas trop mal. Toujours des ralentissements depuis la ravine des Chèvres jusqu'à Saint-Denis. Ici, au niveau de la sortie du pont de la rivière des Pluies, il y a quelques centaines de mètres de zone à peu près roulante, mais ça recoince dans la ligne droite de la Jamaïque de toute façon. Côté Est, au niveau de la bidirectionnelle, c'est-à-dire avant d'arriver au niveau de l'échangeur de Beaulieu lui-même, là, ça ralentit légèrement pour rejoindre le pont Le Conardel et le pont de la rivière des Marsouins, mais ça roule du directeur des plaines vers Bracanote. Pour Saint-Denis, les tranchées alors chargées, côté montagne plus que côté mer, le pont Vinsan toujours en quelques difficultés, puis l'entrée ouest de Saint-Denis, si vous arrivez de la route du littoral, ça ralentit, ça s'est rapproché du virage du gouffre, en sortie du virage du gouffre, donc 3 km avant le tunnel du Cap Bernard. Pas de changement pour l'ouest, des petits ralentissements vers Boucan, mais grand fond, c'est encore roulant et la circulation toujours ralentie juste avant la tranchée couverte de Saint-Paul. Le sud toujours à l'abri des problèmes, mais attention aux purges hein, qui se font. Donc pour toute la journée, aussi bien il est Alcide, donc à partir de 8h30, et aussi bien également dans les rampes de Basse-Vallée aujourd'hui et toute la semaine prochaine pour vous là-bas. Dernier point pour trafic avant 8h avec Yves Gruyère dans un instant. Connect ça Première. Ça continuera jusqu'à 9h avec Jacques. Bien sûr, forcément. Bien sûr, hein, ouais. Connect Première arrive dans quelques secondes. Juste avant 8h, ça sera le zapping aussi. Et puis, on saura qui repart à l'hôtel. Aïe, aïe, aïe, enfin, hôtel, cinéma. On vous couvre de cadeaux avant 8h, c'est promis. Ça se passe comme ça sur Première avec Agega, oui. Ma jeunesse. Bienvenue. J'inscris sur mon corps l'histoire d'une vie. La même que tes parents te racontaient quand t'étais petit. Celle avec laquelle tu pensais grandir. La vie rêvée te fait souffrir. Tu changes de chaîne, ça te fait de la peine. Devant l'écran veille, t'es plus le même. Tu cherches un endroit pour pouvoir t'enfuir. Les promesses tenues restent à écrire. Ma jeunesse n'a plus les mots. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Je sors, je croise des regards blafards. J'ai peur de m'aventurer dans la rue tard le soir. Vers minuit, ma jeunesse embrume l'esprit et s'évade dans un monde loin d'aujourd'hui. Elle s'endort pas dans les bras de Morphée. Se réveille entre lettres de motive et CV. Ma jeunesse, tu parles, elle est pas dorée. Elle est pas assez bien pour exister. Ma jeunesse n'a plus les mots. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. Ageya, ma jeunesse, sur Première d'un grand matin, 7h47, c'est l'heure, avant bien sûr, Connect Première de la question, pas si utile, mais quand même, Isa, bah et oui, comme c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien, on s'est posé la question, mais pourquoi les chiens se reniflent le derrière? C'est une grande question auquel il y a une réponse, à laquelle il y a une réponse, bien sûr, alors ce geste... Les chercheurs ont cherché. Bien sûr, ce geste est plus subtil que l'on ne croit. Merci Milo. Oui, paf le chien. Selon les analyses des spécialistes, le fait de se flairer ou de se renifler est naturel chez de nombreuses espèces, pour ne citer que les chiens, les rats ou encore les chats. Les rats aussi ? Les rats aussi, et oui, effectivement, même si on voit moins les rats se renifler. Moi, je les regarde moins. Voilà, on est bien d'accord. Quand les canidés se reniflent le derrière, ils sont en quête de renseignements d'ordre sexuel. Figurez-vous, grâce à ce comportement, votre chien est aussi capable de reconnaître l'état émotionnel de son interlocuteur. Tout simplement... vous allez comprendre comment il va faire dans un instant. Il va en tout cas connaître l'état émotionnel et le régime alimentaire. Comment il fait ? Comment il fait ? Voyez-vous ça ? Je ne sais pas. Eh bien, avec l'odeur de l'excrément, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Puisque avec son odorat ultra développé, c'est-à-dire 10 000 à 100 000 fois plus précis que celui des humains, il arrive à discerner les petites touches émotionnelles. Si le chien est sensible, si le chien a du caractère, tout ça dans l'excrément, s'il vous plaît. Grâce à son organe que les experts appellent l'organe de Jacobson. Chaque canidé est doté d'un système olfactif secondaire qui lui permet... donc de tout sentir grâce au derrière. Bah voilà, donc quand vous le verrez faire, votre animal lui dit pas « Eh, fais pas ça !» C'est normal. Et on vous l'aura dit dans Grand Matin. Voilà. Désolé Merci si vous mangez Jacobson. Un peu. À tout de suite. Côté réunionnais, réunionnaise, cette année-là, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne un autre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Bien nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Alors Isabelle, trocheriez-vous votre batterie ion pour une batterie métal? Je sais pas ce que ça veut dire, mais moi je veux que ça dure plus longtemps. Eh bien moi je vous conseille de troquer pour un lithium métal, vous savez pourquoi? Car grâce au lithium métal, en 2017 et même dès la fin de l'année, votre batterie va doubler en autonomie. Non, c'est pas possible. Pascal Rizzo va nous en parler. Écoutez. Connect première. Bonjour, les batteries des smartphones devraient pouvoir doubler leur autonomie. Ah oui, depuis quelques années, sur un smartphone, tout s'améliore. Sauf la durée de vie d'un chargement qui a tendance à plafonner. Alors on ne parle pas ici d'une nouvelle technologie qui va mettre 5 ans à arriver, puisque c'est l'année prochaine que nous devrions troquer nos batteries actuelles en lithium-ion contre des batteries en lithium-métal, une technologie désormais maîtrisée qui permet de contenir deux fois plus d'énergie dans un même espace, d'où donc cette idée de doublement d'autonomie. D'ici le mois de novembre, ces nouvelles batteries devraient déjà équiper des drones. L'année prochaine, ce seront donc les smartphones qui en profiteront, et en 2018, les voitures électriques. Alors si ça va si vite, c'est parce que cette nouvelle technologie va pouvoir être adaptée par les industriels sans qu'ils aient besoin de modifier tout leur processus de fabrication. Ils vont pouvoir garder les chaînes de production qu'ils utilisent actuellement pour monter les batteries en lithium-ion. Cela dit, il n'est pas interdit de penser que dans la course à la finesse et à la légèreté, certains fabricants chercheront à garder l'autonomie actuelle des smartphones afin de profiter d'une batterie réduite de moitié en taille et en poids. Ou alors, on verra peut-être l'explosion de nouvelles fonctions plus énergivores. L'avenir nous le dira. Cette technologie en lithium-métal est connue depuis des années, mais n'était pas stable, ou alors obligée une utilisation à température élevée. C'est le cas par exemple des voitures électriques de type Autolib en France. Alors une équipe du MIT vient de parfaire son utilisation via la start-up Solid Energy, et c'est donc elle qui va se charger de sa commercialisation. Une très bonne nouvelle donc pour les consommateurs, mais qui tombe très mal pour les fabricants de smartphones qui sont en train de dégainer leur nouveau produit phare. Le Galaxy Note 7 de Samsung dévoilé il y a à peine quelques semaines, et l'iPhone 7 d'Apple qui devrait bientôt arriver. Belle journée. Omelette au jambon, kiwi, tartine de beurre, confiture banane avec un bon petit jus d'orange, et le petit déjeuner d'Ingrid de Saint-Paul. Waouh! Vous étiez nombreux et nombreuses à poster vos photos de petit déjeuner ce matin. Et ça, c'est super sympa à vous. Mais qui a gagné pour ce matin les places de cinéma pour aller voir Dwayne Johnson, The Rock, dans Agent Presque Secret? Eh ben, faut aller à Saint-André pour ça. Allez, on file. Ouais. Salut, Expédite. Bonjour. Comment il est? Ça va bien? Là, en forme. Ben, elle est là, elle est là. Et on... le matin, on prend. Oh, il y a du monde derrière. Il y a qui derrière, Expédite? C'est des enfants. Les enfants, les mamans, ils sont là. Alors, il y a combien de personnes dans la voiture? Non, ils travaillent dans le transport scolaire, c'est pour ça. Voilà, dans le bus. Ah, ben voilà, donc il y a du monde. Il y a forcément du monde. En plein boulot, Expédite. Ouais, tranquille, ça va. Tranquille, ouais. Bon, c'est chouette ça. Expédite, quand on ne travaillera pas, qu'on aura un petit temps, nous offre deux invitations pour aller cinéma. Deux places pour valables dans les salles du réseau Moréfilm, tout ça grâce à votre petit déjeuner. Eh ben non, top. C'est pas mal. Voilà, c'est voilà. Chouette. À partager avec quelqu'un du bus. Non. Amen, bon. Madame sera plus sûre. Voilà. Bisous, Expédite. Bonne journée. Bisous, bonne journée. Allez, bye. Salut, bye. Bisous Expédite. Aux enfants également, clés dans le bus. Voilà, à on fait comme ça. Bon, Expédite, on va le remettre maintenant dans le chapeau de tirage au sort. Et oui, parce que c'est le moment de savoir qui va repartir à l'hôtel. Allez, on fouille maintenant. Vous étiez nombreux, alors on met tout le monde, tous ceux qui ont envoyé des photos dans la semaine. Depuis lundi, tous ceux qui ont participé, même qui n'ont pas gagné de place de ciné, tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas participé, on joue pour une nuit d'hôtel en chambre double, les amis. Vous avez raté un truc. Avec le petit déjeuner. Bah oui, forcément. À déguster. Faudra sinon, pas le photographier celui-là. Bah voilà. Hein. Oui. Sinon, ça serait pas normal. Bah non. Allez, on alors... regarde, on fouille. Ah, ça y est, on a un numéro. Allez. Ça sonne c'est chez cette personne. Ça va sonner, attention. C'est Panty. Oui, alors des fois en direct, des fois ça déconne un peu. Hein. C'est Panty. On va à la possession. Ah, ça sonne. Ça sonne. On baisse tout et on écoute. Allô ? Allô Florence ? Florence, oui, vous êtes dans Grand Matin. Isabelle et Mickaël. J'étais en train de vous écouter à la radio. Ah, le téléphone qui s'active en Bluetooth. Ah, Florence, c'est gagné. Bravo. La nuit d'hôtel pour vous. Merci, c'est trop chouette. En plus, on a envoyé la photo ce matin. Ah bah parfait. Et bah c'est parfait. Génial, voyez ça. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Ah, et oui. chambre d'hôtel nuit double pour vous, petit déjeuner au Lindsay Hôtel de Saint-Pierre. C'est pour vous. Bravo, voilà. Ma chère merci, Florence. On vous souhaite de bien vous reposer, bien vous amuser et de bien profiter de votre petit déjeuner à l'hôtel, d'accord ? Merci, Réunion. Bisous. Première. Et là maintenant, on vous souhaite une excellente journée. Hein. Ah bah oui, là maintenant, c'est bon, ça commence bien, tu m'étonnes. Ah oui, c'est clair. Ah ouais. Salut Florence. Allez, bye merci. Bye. Au revoir. Allez, à suivre Enrique Iglesias avec Bailando. Mm-hmm. Mais d'ici là, c'est le zapping. Eh oui, vous allez l'entendre, Antoine Garnier sur la lune, l'invité de la matinale se lâche, la langue imaille et Claude Montané a besoin d'aide. Test micro, 1-1. Vous êtes bien sur Réunion Première. Tout de suite, on accueille Ingrid et Philippe, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour et Antoine. Les journées mondiales, il y en a toute l'année. Hé hey, Jean-Marc, arrête l'apéro tout alors. La paix. Francis, tu reprends un pastis ? Spontanément. D'abord. J'étais peut-être pas encore dans le bain, pas assez chaud, je... Pas je dans sais le bain, pas. Vous parlez de la natation notamment. C'est pour ça. Docteur, oui. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ben... cette expertise épidémiologique pour... Et épidémiologiste à l'ARS. Ah, mais peut-être le bon. Mais peut-être un pied de bois. Il boit pour mal au ventre. Tiens, du bleu et du blanc. Un glu blanc. Zati largue un glu blanc. Hein? C'est avec ça, Zati fait tresser avec Zati glu. Un glu blanc. Non, il se trompe. Il faut pas chercher les bêtes. Hein. Il faut pas chercher les puces. Hein. Docteur, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Peut-être un pied de bois. Il boit pour mal au ventre. Ben... Il a besoin d'aide, vraiment, Claude Montané. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bah, par contre, c'est Claude qui va vous aider tout à l'heure. Pour cette émission Les Experts, comment gérer au mieux son association? Vous participerez au 99 2000. Et Jackie est là. Salut mon pays. Salut Jackie. Éric Le Serre aussi, il est là, il a emmené une glacière. Oui, il y a plein de bonnes choses, il va nous raconter glacière. Son voyage en Chine. Ça va être extraordinaire, cher pâtissier, avec nous ce matin. Avec des agrumes. Agrumes dedans. Ouais, un pied de bois. Les agrumes dedans, ouais. C'est ça. C'est bon ça. N'oublie pas, un pied de bois, il boit. Il tient mal au ventre. Ah même Claude. Qu'il en a besoin, on dirait. Allez, merci à tous d'avoir participé ce matin. Bon week-end. Au défi du petit déjeuner. Bon week-end, Mika. Bah, très bon week-end à tous. À lundi. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, Eclipse, J-6. Ouais. Réunion Première en télévision, radio et internet. Mmh. On sera là forcément pour vous faire vivre cet événement à la Réunion. Évidemment. Événement de l'année. Évidemment. Enrique Iglesias, Bailando. Bon week-end. Yo te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Ya no puedo más con esta melodía, tu color, tu fantasía. así ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Et on salue Thierry du Tampon qui va quitter La Réunion définitivement. On vous fait un gros bisou Thierry. Merci de nous avoir suivis Thierry. Allez, vraiment, on vous dit à lundi. On vous laisse avec Yves et Jackie pour la suite. C'est à vous Yves pour l'information routière. Vous parlez du Tampon, il y avait un véhicule en panne arrêté sur la voie de gauche juste après mon caprice. Ça a duré 10 minutes avec plus, hein, peut-être un quart d'heure. Et puis heureusement, il y a des voitures qui ont été sympas avec lui. C'était en sens montant en direction du Tampon. Donc ils ont ralenti suffisamment pour qu'ils puissent se rebattre sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc il n'y a plus de gêne. Voilà, donc sur cette partie de 4 voies qui est plutôt à l'abri des problèmes depuis le début de la rentrée. La circulation pas trop mal ce matin. C'est redescendu juste à l'entrée de la tranchée couverte fin de route des Tamarins avant le viaduc du Bernica, sachant que sur le littoral ouest, ben, ça roule à Grandfond et à Boucan maintenant. L'entrée de Saint-Denis avec moins d'un kilomètre et un gros kilomètre de bouchon juste avant le tunnel du Cap Bernard, c'est après les Potences. Pont-Vincennes encombré de moitié sous les tranchées. Alors il y a toujours du monde côté montagne surtout, un peu moins côté mer. Et puis je viens de faire la bonne partie du boulevard sud. Il y a des encombrements depuis le pont de la rivière des Pluies pour rejoindre dans un premier temps le giratoire Foucherolles avant de retrouver d'autres difficultés pour redescendre vers Champfleury, au moins jusqu'au rond-point Digue. Voilà, ici, boulevard de la Trinité, forcément, okay. C'est l'ordre de pointe, on vient de mettre les marmailles à l'école. Donc là, il y avait un peu de difficulté, c'est en train de se résorber. Je pars vers deux chantiers de Saint-Denis, le boulevard Saint-François et le carré Bertin, ruisseau des Noirs, et du côté de la rue Malartic, à tout à l'heure. Yves Gruyer dans 15 minutes. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 26 juillet, la journée mondiale du chien. L'occasion pour vous de faire une sortie insolite avec votre meilleur ami. Une association de passionnés vous propose une balade pas comme les autres, une cani-randonnée. Reportage découverte dès le début de ce journal. Un peu plus d'un euro de plus à débourser à partir de 2017 pour chaque billet d'avion au départ ou à l'arrivée de Roissy. C'est la conséquence d'une taxe mise en place pour financer la liaison ferroviaire entre l'aéroport et le centre-ville de Paris. À La Réunion, il est aussi question depuis quelques jours de billets d'avion, ceux de l'ADOM plus précisément. Devant l'attente, 600 à 800 billets vont être donnés dans l'urgence. La vérification des dossiers se fera après. Vous avez l'habitude de l'emmener en balade sur le trottoir d'en face, dans